Epic Avengers sur Indestar. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je parle un peu fort. Ouais, non, ouais, non, ouais, ça va. Ouais, okay, non. Non, c'est vrai. Bon, bah tant pis, alors c'est pas grave. On fait avec. Alors, ce soir, dans Epic Avengers, on a une spéciale un petit peu. Parce qu'il va y avoir. Oh non, mais mon micro. Vous m'entendez, hein, on est d'accord. On t'entend. Ah non, non, c'est juste peut-être ton casque. Est-ce que ouais, voilà, c'est ça. Tu t'entends mieux comme ça. Peut-être. D'accord, ok. Voilà. Il faut lancer l'émission maintenant. Il faut le dire. Ouais, c'est ça. Non, mais on touche à des boutons dans cette émission. On sait pas trop ce que c'est pas grave. C'est des fantômes. C'est pas grave, ouais. C'est pas grave. Dans cette spéciale Peck Avenger, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on s'est dit, il y a une émission qui marche le mardi. Qu'on aime bien les gens qui viennent. À marche, bon, moins bien que Peck Avenger. Non, ça y est, ça commence. L'aigreur d'un homme. Ça commence sans les spots et non. Ça y est, ça commence. Avec ta jalousie, je me suis fait une tisane. Comme vous l'avez entendu, nous avons Clément de J'ai vu la lumière. Bonjour innovation à tous. Innovation pour Clément. Ouais. Bonsoir Clément. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais très bien. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait quoi de venir un jeudi? C'est très cool parce que j'ai rien à faire. Je suis venu un petit peu. J'ai fait mon sujet, mais je viens les mains dans les poches. Pas de galère pour mettre les micros. Pas de galère pour rien du tout. Donc je suis serein. Voilà, Clément serein. Tant mieux. Par contre, tu viens dans les mains dans les poches, mais tu viens pas tout seul. Non. Y a quelqu'un d'autre dans tes poches. Non, parce que dans le club des alcooliques anonymes, nous avons également un grand monsieur. Alcoolique oui. Anonyme et chauffeur, hein, évidemment. c'est gratuit, alcoolique anonyme. Ouais, ouais. Donc, John. Non, mais c'est de la façon dont il a présenté tout à l'heure qu'il t'a présenté. On avait l'impression qu'on faisait partie d'un club très très privé, c'est pour ça. Oui, oui, on a bien vu, on n'est pas admis. C'est le club VIP, très bien. Et bah ouais, écoutez, je reste y a avec nous Clément. Et les autres. Non. Non, John, qui est déjà venu plusieurs fois dans J'ai vu de la lumière, bonsoir. Qui est déjà venu une fois dans Peck Avenger. Effectivement, bonsoir. Eh oui, oui. Est-ce bonsoir, que tu es content d'être là? Mais très content, très très très. Bah non, toujours, moi je suis toujours content d'être là, moi. Bon, tant mieux. En et toi, t'es dit, tu travailles pas t'es beaucoup. Content. Hein si je me rappelle bien, tu es prof, on est d'accord. Non. Non, plus en ce moment. Plus pour longtemps. Il n'y a plus d'école longtemps. En ce moment. Oui, donc. En ce moment, il n'y a plus d'école, donc pour l'instant, tu es un peu en vacances. Non, alors je suis pas en vacances, non. Techniquement, je suis en arrêt maladie. Ouais. Ah. Ouais. Le coro, alors, ça fera. Non, j'étais vraiment malade, et là, du coup, ça va un peu mieux, et j'ai pas cours, donc tant mieux. Ouais. D'accord. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, Clément, toi, tu prends des cours d'improvisation théâtrale. Ouais. Ah, si. Je sais plus comment ça s'appelle. Où est-ce que tu vas au conservatoire? La clé. Alors, l'improvisation que je fais, c'est à la compagnie La Clé, ouais. Qui est une troupe d'impro qui existe depuis 20 ans, et je prends des cours de théâtre au conservatoire, rayonnement régional de Tours. C'est pas facile à dire. Voilà. Si, mais c'est pas pour ça qu'il y arrive. Ah, c'est pas. La sélection est rude au conservatoire. Ah, ta gueule. Mais bon, on espère que notre cher ami Clément en fera partie, évidemment. Qui sera une star mondiale et qui restera sur Indestar, évidemment. Mais il est déjà au conservatoire. Ça fait un an. Oui. Oui, non, mais j'ai dit sélectionné. Sélectionné au conservatoire. Je veux dire après pour devenir une star. Ah oui. Il y a des auditions pour devenir des stars. T'as conservatoire, puis ensuite à la fin de l'année, t'as audition pour devenir star. Exactement. Et ceux qui ratent, ils arrivent dans Touche pas à mon poste. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ce soir, nous avons Yann. Théo ? Oui, je suis là, moi. Allez, ça commence bien. C'est pas vrai, une année Théo, avec ça. Comme à peu près chaque jeudi de... Bah, depuis le déconfinement, je suis là. Je sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là. Pour le plaisir, peut-être. Pour le plaisir, pour le plaisir. En même temps, je viens dans Starter, tu viens dans PK. Non, c'est vrai, il y a un échange de bons procédés. Il y a un échange. Et en plus, ce soir, nous avons le retour. Le retour. J'ai pas de bruitage pour... je vais faire un bruitage de merde. C'est pas grave. Non. Bonsoir à tous. Clément, t'as un petit bruitage peut-être? J'ai un feu de cheminée là-bas. Ah oui, non. Un feu de cheminée, ça va pas de bruit. Super, un feu de cheminée. Ouais. Bon, on va oublier le bruitage. Nous avons un Mathis. Un bruitage qui fait pas de bruit, moi. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Ça va très très bien. Je suis très content de revenir ici. Ça fait très longtemps et vous m'avez manqué. Vraiment. Ça fait un peu les cheveux. Non, ça a l'air tellement sincère. Ouais, c'est vrai. C'est sincère, mec. Lui aussi, il a la clé et au conservatoire. Ah bon, il fait du théâtre. Putain, c'était le seul mec sincère de cette émission et il s'est fait renvoyer bouler. Voilà. Non, mais sans déconner. Aucun respect. Pauvre Mathis. Avec Vauvenir pourrait être sincère. C'est ça, les Avengers, ils ont aucune âme. On vient sincère, on se fait refouler. Mathis, t'es pas venu tout seul ce soir? Non, effectivement, je suis venu avec une spectatrice. Une spectatrice. Et comment se prénomme ta spectatrice? Ah, elle veut pas parler. Oh, elle a peur du micro. Tu peux juste dire ton nom, ça ira. Hein, t'inquiète pas, on va pas t'embêter plus que ça. Je m'appelle Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. On n'est pas à réunion des alcooliques anonymes. C'est vous qui avez lancé ça tout à l'heure. C'est pas faux. Donc nous avons une spectatrice, tu es venue avec Mathis. Elle lui parle dans l'oreille, c'est bizarre. C'est pas bizarre. Enfin, y a une spectatrice, ils la font chier quoi. Ouais, clairement. Il n'y a pas une spectatrice qu'on peau. Fait pas chier dans Peck Avenger. Non, mais du coup, tu es venue pour voir comment ça se passait à la radio, parce que je sais pas, Mathis t'en a parlé, il t'a fait écouter des trucs. C'est louche, je dis comme ça, mais bon. T'as écouté des podcasts de Peck Avenger, du coup. C'est ça. Pas de J'ai vu de la lumière. Tu sais pas à quoi t'attendre ce soir, du coup. Non, attaque. Oh là là. Tu sais pas à quoi t'attendre, tu vas être. Oui, mais un petit coup de pression comme ça. Non, t'inquiète pas, tu vas voir. Justement, vu que Clément est là, l'équipe de J'ai vu de la lumière, on va faire des petits sketchs. Ah, enfin, un petit sketch. Un oui, calme-toi, un oui, petit un, sketch, un, tout à fait, ouais. T'as quand même préparé des choses en fait. Ah bah oui, je me suis mis les mains dans les poches, mais en ayant préparé quand même. Il avait quelque chose dans ses poches. Tout à fait, j'ai préparé deux petits sujets et un petit sketch à la manière de J'ai vu de la lumière. Ouais. Parce que toi, tu vas nous parler de jeux vidéo, tout à fait. En majorité, oui. Et d'une expérience de jeux vidéo. Alors, une expérience, en fait, c'est ce terme un peu bâtard, c'est parce que c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est plutôt une expérience ludique, voilà. Ça sera en deuxième partie d'émission. Ah bon, on verra ça tout à l'heure. Quant à John, lui, il va nous parler de quelque chose qui alors, bien, j'imagine. Ça serait un peu con. Moi, je suis parti vraiment sur l'idée d'un univers, et, ouais. Et du coup, je suis parti sur un roman qui découle d'un film. D'accord. Et une toute petite partie jeu vidéo. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner le titre du roman ou tu préfères le garder secret ? Non, secret. D'accord, pas de problème. Je passe à quelqu'un d'autre. Mathis, pour ton grand retour, oui. De quoi veux-tu nous parler ? Je vais vous parler du film... Ami public. J'ai oublié le nom du film. Il a oublié le nom du film. Ça commence très mal. J'ai oublié le nom du film. C'est le retour de Mathis, il y a trop de pression en lui. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Non, c'est pas grave, ça va revenir. C'est pas grave, donne-nous le réalisateur et l'année, on se démerde avec ça. Oui, oui. Fais un quiz, ouais. Le régisseur son aussi. Ah, mais tu vas nous parler d'un film qui s'appelle Ami public. Effectivement. Donc c'est un film qui est sorti récemment, ça d'ailleurs. 2016. Ouais. Si je me trompe pas. Quoi que. Donc récemment, 2015, quand même. Ouais, oui, c'est quand même assez récent, effectivement. Par rapport à du Charlie Chaplin, c'est nettement plus récent. Oui. C'est pas faux. D'ailleurs, pour Charlie Chaplin, c'est pas du tout ce que tu vas nous présenter. Non, c'était parce que c'était le dernier film que j'avais été voir au cinéma, c'est pour ça. Non, je vais vous parler d'une chanteuse, moi, et ça va découler sur une série. Voilà. Une chanteuse qui a participé à une série ? Ouais. Anna qui Moutana est chanteuse et comédienne. Oui, il y en a eu plein, hein, mais. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas une chanteuse Disney, quoi. Non, c'est pas une chanteuse Disney. C'est bien. Non, Lady Gaga, elle fait pas du Disney. Non, pardon, j'en sais rien. Pas encore. Et ben, on va voir tout ça. Après le titre. Mon micro grince, si vous l'entendez, ben c'est pas de ma faute. Non, on entend rien. Non, c'est vrai ? Ouais. Moi, non, c'est dans ta tête, t'es dit. C'est dans ma tête ? Oh putain, c'est grave. Non, mais tu sais ce qui va être dans ma tête ? Ça va être le titre de Luminise, Innocent. De 21h à 23h le jeudi sur Indestar, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Avec un titre Innocent de Luminise qu'on a introduit tout à l'heure. Ah, je sais pas si on dit Luminise ou Luminize. Je sais pas, mais bon, mon accent anglais est tellement pourri que je préfère la version française. Peut-être que John pourra me donner les cours. Oui. Non, mais John il a pas en plus le titre qui est en face, donc tu te débrouilles. J'ai envie de te dire. Okay. Ça dépend de l'orthographe. Sans c'est pas grave, sur la prochaine musique je me rattraperai parce que je la connais par cœur celle-là. Donc voilà. Sachez quand même que vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur indestar.fr ainsi que sur Twitch et Facebook. Alors qu'est-ce qu'un podcast ? Est-ce que tu peux nous podcast expliquer un petit peu, Teddy ? Oh, c'est à moi qui demande ça. Bah oui. En gros, là, notre émission va être enregistrée. Oh. Ouais. On va enlever les musiques qui sont passées en direct, vous les avez, mais en podcast, vous les avez pas. Oh. Vous avez toute l'émission. Oh, quel bâtard. Et du coup, vous pourrez réécouter votre podcast quand vous voulez, juste en cliquant dessus. C'est-à-dire que, par exemple, imagine, il est 3h du matin. Je suis dans ma salle de bain, j'ai rien à faire et là j'ai envie d'écouter Peck Avenger, je peux. Exactement. Oh, c'est génial. Tu fais sur indestar.fr et c'est bon ça. Moi je ne suis pas d'accord parce que je n'utilise que Spotify. Oui. Et ce n'est pas sur Spotify ici. Si. Évidemment que c'est sur Spotify. C'est sur Deezer, sur plein d'autres. Et John, tu utilises quelle application? Moi j'utilise Deezer en ce moment. Et bah Deezer, ça y est, dessus, sur Deezer. Incroyable. Et sur iTunes aussi. Exactement. C'est les mauvais commerciaux quoi. Et aussi si vous voulez nous appeler au pire parce que vous pouvez réagir à l'émission quand vous voulez, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Ouais, voilà. Et c'est gratuit. Mais... C'est oui. Ah c'est gratuit. En théorie, c'est gratuit. Oh, fallait pas me dire ça. C'est gratuit, tu prix d'un SMS à 3,50€. Pas du tout. Clément. Oui. Tu alors sors. Moi. Non, je... Alors super, ça commence bien. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de Oddworld. Est-ce que vous connaissez un petit peu Oddworld ? Pas c'est du chaud. Tout. C'est une saga de jeux vidéo. Qui compte 5 jeux, dont le plus connu est sans doute l'Odyssée d'Abe. ça ne vous dit toujours rien. C'est parfait. Je sens qu'il va nous parler de jeux indés et c'est ça que j'aime. Alors non, c'est pas un jeu indépendant. Non, même pas. C'est un jeu qui est pas très connu, qui raconte une histoire, mais c'est pas un jeu indépendant. Ma foi. Donc je vais vous parler un petit peu plus du premier, donc qui s'appelle l'Odyssée d'Abe, et qui est sorti en 97 sur PS1. Alors, l'univers se passe dans un univers un petit peu alternatif, c'est une dystopie, techniquement, le contraire d'une utopie, hein, bien sûr. Ouais. Où, donc un petit résumé de l'histoire, Abe, c'est un esclave mudokon. Alors les mudokons, c'est des humanoïdes, techniquement. D'accord. Juste, c'est pas des humains, mais c'est un petit peu le même délire. Ils sont intelligents ou pas? Ils sont intelligents. Ah oui, parce que ça, le nom laisse penser que... Non. Ah non, alors, mudokon en anglais, non, le con n'est pas du tout... ça ne veut rien dire. Donc Abe est un esclave mudokon qui travaille dans une usine de viande, qui s'appelle Rupture Farms. L'usine est dirigée par les glucons, qui sont une autre race, mais une race de patrons. Qui sont mercantiles, ça me fait penser à gluten. Qui sont cupides, alors non, non plus. Je suis désolé. Alors Teddy, si tu veux m'interrompre, y a pas de souci. Mais pour placer des trucs avec le gluten, le gluten est con, ça. Donc en gros, Rupture Farm est une usine de viande qui produit intensément. Donc c'est un petit peu là-dessus une caricature du capitalisme. Et plus ça va, plus les espèces animales que Rupture Farms utilisait disparaissent. Et on apprend au début du jeu que le prochain plan des glucons pour relancer l'économie, c'est de manger les mudokons, qui sont les esclaves. Manger, bah, pourquoi pas, voilà. C'est rien fou. Donc il y a glucons et mudokons, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Le gluten mange le reste. Non, tais-toi. Donc Abe découvre ce secret. Un petit moumoute pour moi. Formidable. La moumoute de Clément. C'est très bizarre dit comme ça, mais. Abe découvre donc ce secret et part hors de Rupture Farm pour se sauver lui, parce qu'il a peur. Et c'est le début de son voyage initiatique. Il va apprendre que son destin, c'est de sauver ses collègues employés, donc toute sa race en fait. Et il va finir par détruire Rupture Farm peut-être. D'accord. Voilà pour l'histoire. Donc c'est un jeu qui se joue en 2D, c'est était sorti sur la PS1 à l'époque, donc c'est un petit peu rétro, mais ça se joue toujours bien. C'est un jeu action slash puzzle, donc il faut un petit peu de dextérité, mais aussi réfléchir. Mm-hmm. Abe, dans le jeu, il doit avancer en sauvant ses compagnons, c'est le but du jeu. C'est logique. Mais le joueur n'est pas obligé de sauver ses compagnons. C'est pas tort, ça. Absolument, et ce qui est cool, c'est que la cinématique de fin prend en compte le nombre de mudokons qu'on a sauvés sur le chemin. Ah, donc il se passe des trucs plus ou moins bien selon si tu sauves tes collègues. Donc en fait tu pourrais choisir d'être dans le camp des autres quasiment. Non, parce que quand même ils veulent, bah, les autres veulent ta mort quoi. Donc. Ouais, mais je veux dire, en gros tu pourrais ne sauver aucun de tes coéquipiers. Ça serait possible. Le bâtard. Bien ouais, sûr. Ouais, voilà, gros bâtard effectivement. Bien sûr. Alors je ne spoil pas la fin, mais à la fin il se passe des trucs pas cool si tu fais ça. Tu finis bouffé. Presque. Donc la fin change en fait déjà, oui, si, selon ce que tu fais. C'était assez rare déjà ça à l'époque. Un peu ouais. Ouais. Parce que ça s'est développé de maintenant, mais il y a plusieurs jeux qui font ça. Mais à l'époque j'avais l'impression que tous les jeux avaient qu'une fin en fait. Ouais. Là non, t'as trois fins bien différentes et qui avec un petit mot des développeurs à la fin. T'es un monstre, disent, ou voilà, t'es un bon joueur, ou alors t'as fait de la merde. Ça se fait pas là ce que t'as fait. Le jeu est visuellement très beau, même si c'est de la PS1, les environnements sont très variés. On passe dans la nature, dans des décors très urbains. On commence à l'usine, du coup, à Rupture Farms. D'accord. Puis on va dans la nature. Enfin, c'est vraiment très très varié, très beau là-dessus. Il y a une sympathie immédiate qui se crée pour Abe, qui n'a absolument rien d'un héros, qui est maladroit, bonnet, potentiellement égoïste. Ah bah si, il est con du coup. Mais sympathique, parce qu'il est en danger et il veut juste sauver sa peau. En fait, c'est vraiment un employé moyen, quoi. C'est vraiment le type moyen qui n'était pas destiné du tout à être un héros, qui va se retrouver embrigadé dans une quête, en fait. D'accord. Et pour y arriver, j'imagine qu'il va avoir des armes ou quelque chose? Alors, il a techniquement le pouvoir d'envoûter. Ouais, oh, c'est pas mal. D'envoûter, de prendre le contrôle de ses ennemis. Ouais. Et d'envoûter pour créer des portails pour faire évader ses collègues mudokons. Ah, en sympa. Gros, c'est les deux pouvoirs principaux. Okay. D'accord. Et ouais, ça frappe pas quoi. Donc, si le mec il arrive, c'est un gluten, un gluton. Un glucon. Il a. Je sais pas, ça me fait délirer. J'y arriverai jamais. Genre, et le mec, il est fabricant de portail, tu sais pas pourquoi, mais. Ouais, mais... Gluten, c'est le méchant, et du coup, ils viennent, ils te piquent à la lance et tu meurs. Et... Un portail dimensionnel, dit. Oui, bien sûr. Mais le jeu est très varié, même si les mécaniques de jeu sont assez peu nombreuses, techniquement. Ouais. Y a jamais un endroit du jeu où on se dit, tiens, j'ai déjà fait ça. C'est très très varié là-dessus. Ouais, c'est pas répétitif. C'est un plaisir à jouer. Non. D'accord. Par contre, c'est exigeant comme jeu. C'est-à-dire que c'est très facile de mourir et de recommencer depuis le début. Ça demande de s'y mettre. Tu n'as pas de sauvegarde du coup entre... Si, t'as des sauvegardes. Ah, okay. De PS1 sur les cartes mémoire. C'était ça qui était génial avec la PS1, c'est que tu avais des sauvegardes. T'avais pas ça sur la Mega Drive par exemple. Ah, c'est la magie. Donc le jeu a connu un grand succès, même si aujourd'hui. Je vous dirai après. Ouais. Il a connu un grand succès et un an plus tard, donc en 1998, la suite directe sort. Donc Oddworld, l'Exode d'Abe, qui est la suite de l'histoire. Un scénario qui est aussi bien fait que je vais pas résumer là pour. Parce qu'on n'a pas toute la journée, ça prendrait vraiment longtemps parce que c'est des bons scénarios. Tu as joué à chacun de ces jeux ? Oui. Au 5 ? Oui. Ah ouais. Et du coup, pour le premier, t'as fini comment la première fois que tu l'as fini ? Alors, c'est un jeu de l'enfance. J'y jouais quand j'étais gamin, je sais pas, 10-11 ans. Ouais. Je l'ai pas fini à cette époque. Oh, shit ! Parce que c'était dur et parce que j'avais pas la patience, voilà. Mais ça m'a quand même marqué parce que les cinématiques sont extrêmement bien faites, l'univers est très prenant. Et donc, je l'ai fini bien après. Ouais. Et je l'ai fini en... Disons que t'as une mauvaise fin, une fin passable et une fin très bien. Je parie que c'est passable. J'ai la fin passable, ouais, tout à fait. Du coup, au final, ça va. Oui, mais le jeu est très exigeant. Techniquement, il y a des secrets planqués absolument partout. Oui. Un peu dans le style Mario. T'as pas le temps exigeant. Non, mais je veux dire, hein, t'as des choses un peu cachées de partout. Oui, j'imagine. Ça fait penser à ça. Ça doit être beaucoup plus dur. Niveau, oui. Oui, ça c'est sûr. Parce que, à mon avis, Mario, c'est pas du tout abordable pour tout le monde. D'accord. Ensuite, en 2005, il y a La Fureur de l'étranger qui sort sur Xbox. D'accord. Avant ça, en 2001, L'Odyssée de Munch sort sur Xbox. Donc, c'est le grand passage à la 3D de Abe. D'accord. Qu'il a bien réussi parce que le jeu est très bien fait. C'est toujours le même héros et toujours la même. L'Odyssée de Munch. Munch, c'est le personnage principal. Et il vit un drame aussi. C'est une espèce de grenouille, un petit peu humanisée, dont les œufs sont très prisés des glucons. Putain, mais ils bouffent tous ces gluten. Ouais, voilà. J'ai perdu 15 fois qu'il va te parler. Ouais, c'était pas drôle la première fois. Les autres non plus ne seront pas drôles, Teddy. C'est ça, avec Avengers. Et donc, Munch s'aperçoit que la dernière boîte 2 est en vente aux enchères. Ouais. Et donc, la quête va être de retrouver les œufs de Munch pour perpétrer son espèce. Parce que son ils sont fécondés, ces œufs ? Oui, oui. Ça fonctionne pas comme ça. Quel est tout son entendu sexuel, Teddy, derrière tout ça ? Non, mais généralement, tu vois, les oiseaux, ils pondent des œufs, ils sont pas forcément fécondés, du coup, tu peux les manger. Mais des œufs fécondés, tu vas pas les manger. Oui, mais là, si, t'inquiète pas. En 2005, Oddworld sort La Fureur de l'étranger, qui est un spin-off un petit peu dans le même univers, mais avec des endroits qu'on a jamais vus. L'étranger est une créature humanoïde, et tout le jeu baigne dans une ambiance de western spaghetti. De western spaghetti. Alors, il va falloir que tu nous expliques. Western spaghetti, c'est des westerns qui étaient tournés en Italie à l'époque. Ah oui, rien à voir avec Panzani, quoi. Panzani, le gluten, Panzani, c'est. Non, mais c'est pas loin. Non, mais j'imagine, t'as pas eu cette image, Teddy, dans la tête, tu sais, le western et avec des nouilles. Avec des nouilles, ouais. Si. C'est quand même très connu comme genre cinématographique. Certainement. Pour les experts du cinéma. Non, du tout. Non, c'est comme tu disais, c'était juste les westerns en fait un peu low cost qui étaient tournés en Italie, ça. Et les westerns qui sont tournés en Chine, c'est les westerns riz. Alors, je sais. Ça fait raciste. Mais non. Ça part en stéréotype. Western choucroute, c'est tourné en Allemagne. Et en France, c'est les western fromage, non ? Je sais pas. Ça. Camembert. Western roquefort. Ça parle trop. Donc le jeu s'inscrit un petit peu dans le western, voilà, western tout court, comme ça, il y a pas de débat. C'est un mix entre un FPS et un TPS. Donc on va alternativement le personnage de qu'est-ce sa vue à lui. TPS, c'est là. Alors, qu'est-ce donc ? J'allais l'expliquer, calmez-vous. J'étais en train de l'expliquer. La parabole. Oh putain, voilà, ils sont tout de suite partis sur Arbol Satellite, il s'appelait TPS, donc ça doit être ça. FPS, First Person Shooter, c'est quand on voit l'image à travers les yeux du héros. Et TPS, Third Person Shooter, un shooter à la troisième personne, c'est quand on voit le héros. Ton personnage. Voilà. D'accord. Et ça tire, du coup. Oui, ça tire, oui. Mm. Et donc là encore, il y a une histoire qui est très élaborée avec un gros retournement de situation au milieu du jeu que je ne spoilerai pas ici. D'accord. Et en 2015, donc 10 ans après, les créateurs d'Oddworld ont créé en fait un remake du premier jeu qui était sorti, donc ouais. Odyssey Dabe, qui s'appelle New and Testy du coup. Et du coup, et... ça fait le 4. Non, ça fait pas le 4. C'est un remake du premier jeu qui est sorti. Donc c'est un jeu qui était disponible sur PS3 mm-hmm. où tout a été refait. C'est-à-dire que dans le premier jeu, on avançait en suivant des tableaux. Il y avait un tableau puis un autre tableau. Mm-hmm. Là, c'est de la 2D mais en dynamique en fait. C'est-à-dire que la caméra suit le joueur. Oui. Et beaucoup de choses ont été ajoutées. Et là, pour 2020, du coup, il a été annoncé que le deuxième jeu, donc l'Exode Dabe, sera remasterisé également. D'accord. Et le premier, enfin le premier, la première remasterisation là, qui est sorti il y a 2015. Quelques années, il était bon ou pas? Ah, il était excellent. Ah ouais. Ouais. D'accord. C'est là-dessus que tu l'as fini d'ailleurs. Non, je l'avais fini avant. Mais le jeu était extrêmement bien fait avec des choses ajoutées en plus. Ils ont pu vraiment s'amuser sur les détails, l'environnement. Mmh. Vraiment un bon remake. Donc c'était pas juste une question de graphisme, c'était autre chose quoi. Ouais. Ok. J'ai une sale impression, c'est une impression tout court d'ailleurs. Ils font quand même beaucoup de remakes en ce moment, je trouve. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah en même temps, on va pas s'en plaindre parce que ceux-là sont vraiment de bonne qualité. Non, c'est vrai. Moi, série en fait, qualitativement parlant, est bonne quoi. Oui. Mmh. Est-ce que t'as un petit préféré? Le premier. Le premier. Le premier, c'est ma première grosse claque. Vidéoludique, je pense. Okay. Premier jeu qui m'a fait vraiment... qui m'a fait chier parce que c'est frustrant de mourir tout le temps sur un même tableau. T'as essayé Dark Souls? Oui, bien sûr. T'inquiète pas. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un jeu qui a un message à dire, un message politique, qui dénonce le capitalisme, bien sûr, l'écologie, parce que la disparition des espèces. Oui. Et Abe, s'il s'appelle Abe, c'est parce que... C'est pas par rapport au cochon? À votre avis. Non, sans déconner, c'est par rapport au cochon? Mais non, c'est Babe. C'est Babe. Ah merde. Abe, dans le premier jeu, libère les esclaves. Ouais. Est-ce que... Dans l'histoire, il y a... Il y a côté Moïse, non? Ah non, celui qui a libéré les esclaves un petit peu, c'est Abraham Lincoln. Ah oui, Abe. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Abraham, Abe. Bien sûr. D'accord. J'étais parti sur un truc trop religieux. Il va se faire assassiner lui aussi ou... De quoi? Il va se faire assassiner lui aussi? Abraham Lincoln? Non, Abe. Bah non, ça dépend de la fin. Ah bah je vais pas te dire la fin quand même. Vous ne pouvez pas savoir la fin. Donc voilà, vraiment une série de jeux qui a vraiment quelque chose à dire, qui se pose en marge du reste du jeu, parce que c'est des scénarios qui sont forts, et qui ont vraiment quelque chose à dire, et c'est très bien réalisé, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'essayer. Voilà. C'est beau. Voilà, ça c'était Clément dans Peck Avenger, maintenant il va partir. Non mais il se trouve facilement en occasion encore ce jeu-là. Oui, il se trouve partout sur Steam. Il doit pas être très cher j'imagine. Non. C'est un vieux jeu donc il doit être vraiment très peu cher. T'attends la suite avec impatience j'imagine, le remake du 2. Le trailer de Vent du Rêve. Tu sais ce qui vend du rêve aussi? La prochaine musique qu'on va écouter, c'est Gifla. Oh, tu l'as senti la transition hein? Ouais, t'as vu, super transition. Elle a repris le titre Bad Guys de Billie Eilish. Voilà. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. Ouais. Pardon. Mais quel connard lui! Putain, il a gâché mon intro! Peck Avenger, c'est mieux que Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Non, j'étais pas prêt. Mais avoue que c'est vrai! Ah bah je sais pas, je l'ai pas vu. Les Nouvelles Aventures. J'ai craché sur un acteur de mon film. Déteste. Attends, je parie que t'es fan de Kev Adams. Non, je suis pas fan, mais je l'aime bien. Genre, il y a des films où il est vraiment bon. Disons qu'il a des posters dans sa chambre, donc t'es gentil. Calmez-vous sur Kev Adams. Non, moi j'avais vu un film avec Kev Adams où il est pas trop mauvais, mais les il apparaissait pas à l'écran. Moi j'ai vu des pubs Fanta où il est très mauvais. C'est pas grave. John, toi, ton film que tu vas nous parler, il n'y a pas de Kev Adams, vu que ça vient d'un roman. Non. Alors oui, voilà, déjà dans le roman, ça n'a pas été écrit pour lui, il n'était pas né. Et moi, je vais vous parler de Dune. Dune, en français. Oui, je connais. Et oui. Et alors, du coup, comment ça, truc de vieux? Et Teddy, arrête de juger. je ne juge pas. Alors, Dune, je vais essayer de vous la faire la plus courte possible. Et de Dune, Dune, déjà. Et de deux. Ça a mal se finir tout ça. Ouais, ça a mal se finir. Alors du coup, Dune, qui est à l'origine un roman de science-fiction, une des œuvres majeures d'ailleurs de science-fiction, qui a été écrit par Frank Herbert en 1965. À l'origine, au niveau de la publication, ça vient d'un magazine qui s'appelle Analog, et qui est un magazine dit pulp. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est, du coup. Si. Pas du tout. J'en avais déjà parlé pourtant, Teddy, t'aurais pu écouter. Où ça? Pulp Fiction. Enfin, tu sais, c'est. Ah, oui, je connais Pulp Fiction. Ah, bah voilà. Oui. Bah, du coup, c'est ce genre de petit magazine un peu pas cher où on pouvait trouver du coup plein d'histoires. Et c'est en général un univers. Vas-y. Pulp, ça vient de pulpwood, qui est la qualité du papier, qui est un papier de mauvaise qualité qui s'appelle le pulpwood. Oh. Voilà. D'accord, merci. Petit moment. Faites la science. Petit moment culture G. C'est ça. Et du coup, donc, c'est une œuvre américaine, évidemment. Traduite en 14 langues différentes et vendue environ à 12 millions d'exemplaires. Mmh. C'est pas rien. Mais mine de rien, au tout début, Dune a été refusé par plus d'une vingtaine de maisons d'édition avant de paraître. Merde. Donc, c'est vrai que les livres, en vrai, ils ont tous du mal à se faire éditer, hein, pour la plupart. Et puis, il s'est passé quoi au final pour qu'ils y arrivent? Je sais, du forcing, sais pas. Ouais, du forcing, à coup de balle. Il a couché avec la secrétaire, j'en sais rien. Ouais. Mais enfin, en tout cas, à l'origine, Frank Herbert, du coup, né en 1920 et mort en 1986, était un journaliste. Donc, il a quand même ce talent d'écriture, je pense, ne vient pas de nulle part. Ouais. On compte à Dune plusieurs suites. Je vais pas toutes les évoquer, mais je vais évoquer celles dont l'auteur principal, que l'auteur principal a écrites. Ouais. Donc, il y a Le Messie de Dune en 69, Les Enfants de Dune en 76, L'Empereur Dieu de Dune en 1981, Les Hérétiques de Dune en 1984, oh, la vache. Et La Maison des Mers en 85. Tout le reste, c'est surtout son fils Brian Herbert qui a repris le flambeau. Oui, qui a voulu étendre la saga et a constitué un univers beaucoup plus étendu. Un petit peu comme Star Wars maintenant avec tous les comics qui sortent. Et la transition entre les deux, est-ce que tu as lu tous les livres? Non. Moi, je me focus principalement sur le premier. D'accord. Du coup, t'as pas lu la suite de son fils? Est-ce non, que t'as déjà non, lu non, non. Non, non, non, non. J'ai commencé à feuilleter les premières pages du Messie de Dune. Donc ça, c'est le deuxième. Ouais. Mais il y en a une pelletée. Enfin, non. Non, j'ai pas pu. Peut-être qu'il y a une différence entre l'écriture de son fils et de son père. Ah, probablement. Oui, oui. Je sais pas. Mais après, je pense que voilà, c'est surtout par rapport à l'univers en soi. Plus qu'à comment il écrit. D'accord. Je sais pas. Il faudrait vraiment que je regarde un peu plus. Ça peut être intéressant, effectivement. Donc, dans les grands thèmes, parce qu'il y a des grands thèmes, on parle notamment de l'émancipation, parce que c'est quand même un personnage, du coup, qui grandit, qui est amené à faire d'autres trucs, des trucs de grand. On va dire ça comme ça. Travailler. J'ai l'impression de te perdre depuis tout à l'heure. Ouais, travailler, je sais pas, avoir son appart, ou je sais pas, payer un loyer, ce genre de truc, non? Ouais, tu vas voir. Ah à non, mon avis, pas non. Il y a aussi toute une question de religion et de pouvoir. Vous le verrez, je vais vous expliquer un peu plus. Et notamment le contrôle de l'humain sur la génétique et sur l'écologie. Ah, c'est pas le même délire que payer son loyer. Ouais, non, c'est vraiment autre chose. Donc on peut parler de science-fiction engagée. Oui. Et pour vous présenter un peu l'univers, on va mettre du coup la princesse Irulan. Ouais, du film. Donc ça, c'est la narratrice. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. Ouais, ça, c'est dans le film. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam IV, mon père. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. Ah ouais. Alors, le curry? Non, oh putain. L'épice. Non. Je vais essayer d'expliquer du coup pour la faire simple. Ouais. Mais avant, juste une toute petite parenthèse. L'actrice qui joue la princesse Irulan, du coup, c'est Virginia Madsen. Elle a pas fait grand chose, enfin surtout des téléfilms. Mais étant donné que du coup, j'ai appris il y a pas longtemps la mort de Patrick Poivet, qui était une grande voix de cinéma, notamment la voix de Bruce Willis, aussi il y a de, eu un hommage effectivement, aussi de Tom Cruise dans ses tout premiers films, dont Top Gun. Ouais. Je me suis un peu intéressé parce que là, je vous ai sorti la VF. Donc elle s'appelle Evelyn Selena et c'est elle aussi une des grandes au niveau de la voix. Du doublage français. Ouais. Parce que notamment, elle est connue pour avoir interprété Carrie Fisher. La princesse de Star Wars. Princesse Leia, voilà, dans Star Wars. Et aussi pour les plus anciens d'entre nous, Sue Ellen dans Dallas. Et je pense que personne à cette table. Je connais Sue Ellen. Eh ben c'est bien. Allez. Parce que j'ai une cousine qu'on appelait Sue Ellen parce qu'elle buvait beaucoup, mais elle payait pas. Bonjour la cousine. Voilà, ouais. Bonjour la cousine. Anastasia, si tu m'écoutes. Et je connais Carrie Fisher dans les Blues Brothers. Est-ce que c'était la même voix? Je crois que c'est pas la même. Ah, ça devait pas être la même voix dans les Blues Brothers, mais bien vu. C'est bien, tu as réussi à la repérer. Ouais. Bravo. Donc, en gros, pour la faire court, tout ça se passe en 10191. donc c'est pas tout de suite. Et l'épice dont elle parle, donc the spice melange en anglais, c'est cette ressource rare qui n'existe que sur cette planète qu'on appelle Arrakis, donc Dune. Et elle permet de vivre plus longtemps, donc c'est bien. C'est bien. D'amplifier sa conscience, c'est-à-dire d'être un petit peu plus au courant de ce qui se passe autour, enfin une plus grande conscience de l'environnement, tout ça. D'accord. Et c'est aussi un carburant nécessaire au voyage dans l'espace, ce qui permet entre autres de repousser les limites et d'aller encore plus loin pour conquérir évidemment le plus de planètes possible. Du coup, j'imagine que c'est beaucoup bataillé. Ah bah alors non. Mais non, je vais t'expliquer. D'accord. Il y a aussi du coup le deuxième extrait parce que j'ai dû faire un cut pour expliquer un tout petit peu. Mm-hmm. On va écouter du coup la suite de la princesse Irulan. Mm-hmm. J'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Caché dans les cavernes des rochers de ces déserts vit un peuple connu sous le nom de Fremen, qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. J'avais envie de le faire. Non, c'est tout. C'est... Après, c'est de la musique. Voilà. Donc, en gros, pour essayer de vous la faire la plus courte possible, donc voilà, donc ça se passe bien, bien, bien après notre ère. Donc, les hommes sont parvenus à coloniser plusieurs planètes à travers l'univers, dont cette planète Arrakis, qui est le point central du coup de contrôle dans l'univers. Mm-hmm. Cette planète désertique, inhospitalière, remplie de vers de sable gigantesques. Du coup, fait pas la destination idéale pour les touristes. Pour les vacances, ouais. Exactement. Oh mince, quel dommage. Alors, étant donné que c'est quand même un univers relativement complexe, qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages, de planètes, ce genre de choses, j'ai essayé de mon côté de faire un résumé ultra concis. Oui. C'est perdu, mais c'est pas grave, je vais vous le faire quand même. Oh, donc, autrefois confié à la maison Harkonnen, l'empereur Shaddam IV décide de transférer l'administration d'Arrakis, donc la planète qu'on vient de parler, oui, à la maison Atreide, dirigé par le duc Leto. Mmh. Ce changement politique sert en fait à faire un énorme coup de pute magistral envers les Atreides. parce que, spoiler, le duc Leto meurt sous l'attaque menée par les Harkonnen. Oh. Donc là, du coup, vous voyez bien, déjà, il y a une grosse, grosse division entre ces deux maisons-là. Oui, il l'a fait exprès de la léguer, justement, pour attiser la haine. Justement. Donc, Dame Jessica, Lady Jessica, en anglais, considérée comme la concubine du duc Leto, doit fuir avec leur fils Paul Atreides dans le désert. Et c'est Paul surtout qu'on va suivre pendant tout le roman et accessoirement tout le film. D'accord, il va renverser la force, enfin l'histoire. Ah bah c'était bien avant Star Wars, mais oui, il y a une idée un peu comme ça. Donc l'histoire se concentre principalement sur Paul. Ils rencontreront le peuple Fremen, dont elle a parlé un tout petit peu avant. Dans le désert. Les natifs d'Arrakis, et vont ensemble tenter de reprendre le contrôle de cette planète. Donc je me suis permis, je vais pas parler de tout ce qui est marchand de la chaume, donc la compagnie qui sert l'épice, la guilde des voyageurs, l'empereur, parce que clairement il me faudrait le temps d'une thèse et on a approximativement 6 heures d'émission. On va pas faire ça du coup. Hein. Un autre jour peut-être. Si on a le temps, un de ces quatre. Pourquoi pas. Donc voilà, donc je vais vite fait vous montrer qui y a dans ces maisons-là. On est un petit peu sur du Game of Thrones au niveau des différents personnages qu'il peut y avoir dans une maison. Ça veut dire qu'ils meurent tous. Ah peut-être, ça je te dirai pas. D'accord. T'as qu'à lire le bouquin ou voir le film. J'ai une petite question sur le film, vite fait. Il reprend que le 1 ou il reprend... Alors c'est le 1, oui. Moi pour le moment je suis sur le 1. Et il y a d'autres films ou il y en a qu'un seul? Attends, je vais tout expliquer. Je me tais. Ouais, en gros oui, il y a plusieurs films, mais là je me concentre vraiment sur le premier. Tant mieux. Donc dans la maison Harkonnen, il y a évidemment le baron Harkonnen, donc considéré comme un grand méchant. Mm-hmm. Mais en fait, c'est comme je reprends l'exemple de Game of Thrones, c'est pas que des méchants et des gentils. C'est surtout... C'est l'enjeu politique. Voilà, ou... des questions géopolitiques, tout ça. Il y a Faedrotha, donc ça c'est le Nabaron interprété par Sting dans le film. Il y a une super scène où Sting sort en slip, ça, tu verras, c'est génial. Tape sur YouTube. Sting en string ? Non, en slip. En slip. Ouais. Ah, c'est dur, hein ? Ouais, c'est dur. Donc Faedrotha, ça c'est en gros comment Paul Atreides aurait pu tourner s'il était dans la maison Harkonnen. Sauf que lui, il est Atreides. Quoique. Peut-être pas. Et il a plusieurs noms. J'en cite les trois grands qui sortent. Donc Muad'Dib, qui est un nom de guerre qui signifie la souris du désert. Donc ça, c'est quand il arrive, quand il est loin avec les Fremen déjà. Les Fremen l'appellent Usul, qui signifie la force de la base du pilier. Tout ça, du coup, ça a des significations qu'on comprend quand on lit le bouquin. Ouais. Un peu moins quand on voit le film. Ah, ils ont coupé des trucs, ils ont enlevé des passages forcément dans le film. Ça. Ah, tu vas voir, le film, c'est une catastrophe. Ah, tu le détestes à ce point-là ? Alors non, c'est pas que je le déteste, il est très intéressant, mais tu vas comprendre pourquoi. D'accord. Et il a un autre surnom, c'est Lisan Al-Gaib, qui signifie la voix venue d'ailleurs. Et donc, juste petite parenthèse là aussi, je trouve que... Enfin... Moi, j'étais assez surpris de voir l'étendue de ce que l'auteur a pu faire et d'écrire en fait par rapport à ses personnages. Beaucoup, beaucoup de chapitres commencent par plusieurs manuels que la princesse Irulan aurait pu écrire. Ouais. Donc, c'est comme si ça sortait d'un bouquin. C'est une citation comme ça, random, et qu'ensuite ça défile sur le chapitre. Donc, en fait, en plus de l'histoire et des personnages, il y a tout un travail sur ce qu'aurait pu être l'univers. Et, et je pense que c'est aussi pour ça du coup, que son fils a pu reprendre facilement plusieurs aspects de cet univers-là. Il y avait la psychologie derrière. Ou genre voilà. De... Oui, effectivement, c'est logique. Oui, oui, il y a toute une religion derrière, en fait. Et il y a aussi, évidemment, le peuple Fremen. Donc, les Fremen, c'est pas compliqué. En gros, eux, ils sont sur une planète désertique. Et du coup, effectivement, donc, l'épice est une ressource très rare. Mais l'eau, pour eux, l'est encore plus. Ils échangent l'épice contre de l'eau. Non. Non, même pas. Non. Ils pourraient, mais en fait, non, parce que de l'épice, il y en a partout. Ouais. Si tu veux, c'est pour ça qu'il y a plein de compagnies qui viennent. Ah oui, pour ça vaut pas grand chose pour eux. Oui. Mais l'eau est une ressource tellement rare qu'elle en devient précieuse. Chaque goutte compte pour les Fremen. Donc, c'est-à-dire que par exemple, pour pleurer, ça veut dire que tu gâcherais ton eau. Donc, tu pleures pas. On évite de pleurer. Ou sinon, tu bois tes larmes. C'est ça. C'est vrai. Enfin, il y a pas mal de rations à faire. Et surtout au niveau des combinaisons qui sont censées porter. Il y a beaucoup de recyclage par rapport à la sueur qui est après refiltrée pour après. Pour voilà. Ouais. Ah, donc, ça se fait pour les cosmonautes et tout ça. Bah voilà, donc. Ils ont déjà étudié des trucs pour recycler parce que je vois Théo qui me regarde. Non, mais l'idée de recycler de la sueur, bon, ça m'inspire pas. Ils ont comme déjà ça. Pensé pour l'urine des astronautes et tout à recycler la sueur. Faut aimer quand même. Hein. Ce qui est pas idiot, après, bah, je sais pas, tu mets un petit sirop de menthe et puis on en parle. Un petit coup après quand même. Non, même pas. Pas un petit coup d'asperge. Je sais pas, j'en ai jamais. Bon. Et oui, et donc du coup, par rapport aussi à ce que j'aurais. Enfin, je vais pas y passer des plombes. Mais il y a aussi tout un ordre qui s'appelle l'ordre des Bene Gesserit. Et cet ordre-là, donc, elles sont considérées un peu comme des sorcières dans le bouquin. Ouais. Parce que ce sont des femmes qui sont relativement puissantes et qui sont surtout capables de voir un petit peu. Enfin, certaines sont censées capables. Enfin, j'arrive plus à le dire. Sont censées voir un peu dans le futur. Donc il y a pas mal de choses qui relèvent un peu de la fantaisie et cette idée de précognition, j'y arrive plus, c'est ce qui signifie connaître en avance ce qui va se produire et ils ont aussi cette idée du messie qui s'appelle le Kwisatz Haderach qui signifie le court chemin et donc du coup voilà, donc ça c'est uniquement l'univers. Vite fait par rapport à l'adaptation film. Donc il est clairement né dans la douleur ce film. Il y a eu un premier mec qui s'appelait Alejandro Jodorowsky, donc qui est un artiste relativement connu, en tout cas qui était très connu dans les années 70. Il jouait l'acteur principal ? Non. C'est censé être le réel, ouais. Ah, c'est censé, oui, parce qu'il a changé, j'imagine. En fait, c'est le premier à s'être cassé les dents en 75. Ouais, ouais. C'était un projet très très ambitieux, initialement prévu pour durer 10 heures. Donc imagine un peu le truc. Un film c'est de 10 heures. Ouais. Wow. Il aurait peut-être coupé en partie. Hein, le casting prévu, il y avait Orson Welles, Salvador Dali, Mick Jagger pour citer que, tu vois. Hein, d'accord. La bande originale prévue, dans ceux qui ont été approchés, entre autres, il y avait les Pink Floyd. Ah ouais. Donc, le directeur artistique, c'est Moebius. C'est celui qui est dessinateur BD de Blueberry notamment. Ouais. Que je vais expliquer un petit peu plus tard, qui va arriver sur Alien, le 8e passager. Mm-hmm. Donc, il y avait vraiment du beau monde sur ce truc. Donc, c'est pour ça que le film, même s'il a jamais été clairement créé, est devenu un symbole, enfin un fantasme en fait. Un mythe, Parce qu'il y avait beaucoup de légendes en fait qui auraient pu participer. Exactement. Et du coup, Ridley Scott, en 79, était normalement pressenti pour reprendre le flambeau, sauf que, bah, en voyant que la pré-production n'avançait pas, que c'était à l'arrêt total, il récupère l'équipe du film pour réaliser Alien, le 8e passager. Le fourbasse. Le bâtard, ouais, c'est clair. Et ah du coup, oui, on arrive enfin en 84. Donc voilà, il y a presque, ouais, c'est ça, 10 ans qui se passent. Ouais. Donc David Lynch. David Lynch qui est évidemment connu avant pour Eraserhead en 77 et Elephant Man en 80. Donc il a clairement lui un univers particulier, une patte artistique spécifique, on peut le reconnaître quoi. D'accord. Twin Peaks notamment aussi, il est connu pour ça. Et pour accepter Dune, il a fallu qu'il refuse de participer à un projet. Pas grand chose, hein, c'était juste le retour du Jedi en 83. Ah ouais, allez. Donc, l'échec de sa vie. Quel dommage. Voilà. Il y a eu, pour Dune, hein, 1700 personnes ont été nécessaires pour le tournage, travaillant 6 jours semaine. C'est pas mal ça. Rien que ça. Ça a nécessité 3 ans et demi de travail, dont 1 an et demi pour le script. Ah ouais. Donc c'est un enfer. Un enfer tellement. Et à la production, il y avait un mec du coup qui s'appelait Dino De Laurentiis et sa fille Raffaella, parce qu'elle a notamment travaillé dessus, lui en fait, c'est le plus grand fourbasse de la Terre, je pense. Il a été. Il a réussi à récupérer l'entièreté des droits du film et du coup la décision finale du montage. C'est le producteur. Ça, ouais, ce qui fait que du coup la version de Lynch, même Lynch lui-même a dit ouais, en gros c'est pas totalement moi quoi. Ouais. D'accord. Oui, parce que effectivement les producteurs généralement ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent sur la. Alors en voilà, fait, quand ils veulent. Ils passent souvent pour des grands méchants, mais c'est pas que ça. Pas que, mais bon. Et il y a du coup deux versions qui existent. La version cinéma donc signée Lynch. Ouais. La deuxième version télévisée en 88. Où Lynch, à sa demande, a décidé de retirer son nom et du coup c'est dirigé par le fameux Alan Smithy. Ah oui. Ce nom complètement nul. En fait, c'est ce qui. Alias Men. C'est ça, The Alias Men. En gros, chaque directeur, enfin directeur, réalisateur qui décide que son film c'est de la merde et qui veut pas qu'il y ait son nom qui apparaisse dessus. Ils mettent ce nom là. Ils mettent ce nom là. Donc voilà, c'est pour te dire à quel point même lui il a un peu de mal avec. Ouais. Et en fait. Il y a une rumeur aussi par rapport à ça qui prétend qu'il aurait d'abord mis le pseudonyme de Judas Booth en tant que réalisateur. Ouais. Judas, bah, enfin Judas quoi, ouais. Hein, l'apôtre, ouais, le traître, le salaud. Ah oui, c'est salaud. Ouais. Et Booth, qui est le nom du mec qui a décidé d'assassiner Lincoln. Donc tu vois, on revient finalement à ce que tu disais tout à l'heure. Il avait une petite vendetta quand même. Hein, bon, Ouais, léger. Ouais. Léger, léger. Et toi, tu l'as aimé ce film? Parce que tu l'as vu, je crois. Alors, non, je l'ai. Peut-être pas. Je vais te dire. Je vais te dire. J'ai presque fini. La nouveauté dans le film, par rapport à ce qu'on peut voir dans l'histoire de base, c'est notamment le module, donc l'arme qui fonctionne, enfin, c'est l'arme de base qu'il a. Qui fonctionne avec la concentration et qui sort un kiaï. Donc c'est-à-dire le kiaï, tu sais, c'est le cri le ki. dans les arts martiaux, le cri de combat. Donc il y a tout un truc un peu bizarre là-dessus, que j'ai pas su complètement expliquer, puis ça je pourrais pas l'expliquer de toute façon. Ah, on peut dire ta gueule c'est magique. Voilà, donc voilà, ta gueule c'est magique, t'as dit. Voilà. Merci. La bande originale pour ce film-là, c'est ceux qui ont fait Hold the Line, Rosanna, de Johnny Cash, Toto, Africa, Toto, évidemment. Hold the Line. Oui. Ah mais non, je comprends. Hold the Line. Oui, non mais oui. Et Walk the Line. Hold the Line. Donc Toto, ouais, ce groupe absolument mythique des années 80, qui ont été du coup à l'origine de la bande originale. Et quand on écoute la bande originale, il n'y a aucune trace de Toto, enfin tel qu'on les connaissait. C'est ouf comment ils ont réussi à faire un truc épique et qui passe vraiment très très bien, en tout cas aux oreilles. D'accord. Parce que c'est vrai que sur une bande annonce, on entendait Saga Africa. Non, mais c'est. Non, oh, c'est pas Saga Africa. C'est Yannick Noah, ça. Oh là là. La culture de Teddy m'impressionne de plus en plus. Je sais même pas qui c'est, Toto. Mais hein. C'est la meilleure chanson du monde, Africa. Ouais. C'est quoi Toto qui a chanté? Bah, Africa par Africa. Exemple. T'inquiète pas, alors, on va dire Teddy, ta gueule c'est magique, je te ferai écouter après. Ouais, c'est pas mal. Il chante bien, Clément. Il chante trop bien. C'est un truc de vieux. Oui, il chante pas mal. Et donc, du coup, pour retourner au film, Dune, pour le coup, est considéré quelque part comme un échec et comme un succès. Je vais m'expliquer. Ah. C'est pas considéré comme un film grand public, comme on pourrait l'entendre comme blockbuster. Ouais. Parce que justement, et c'est ça qui est bien pour les cinéphiles, il y a le côté Lynch qui est derrière. Ouais. Et donc, avec sa patte artistique qu'on reconnaît très bien et qui est très présente dans le film. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est intéressant surtout au niveau du langage cinématographique. Donc, ça, c'est pas le genre de divertissement qu'on pourrait entendre. J'entends bien que je mets des plombs à faire mon truc, mais c'est pas grave. Non, t'inquiète, on a du temps. Et du coup, là où moi, en fait, j'ai du mal avec ce film, c'est que les effets spéciaux ont très mal vieilli. Oui. Ah. Notamment, tu regarderas sur YouTube là aussi. Ouais. Il y a une scène en fait où le combat au couteau, ouais, avec un bouclier. C'est ça. Ça en fait, c'est comme on est d'accord. Hein, donc c'est un film des années 80. Ouais. Il y a des. En gros, tu as la personne en elle-même, donc l'acteur, ouais, qui est censé avoir un bouclier. Ouais. Mais comme du coup, le bouclier, bah tu sais, ils sont censés le modéliser via ordinateur. Ouais. On est dans les années 80. Bah, c'est un truc énormément cubique. Avec des gros polygones de, ouais, PS1, mais. Ça ressemble à rien du tout. Mais du coup, c'est ça qui est drôle à voir aussi. C'est devenu épique juste pour ça. Un peu, ouais, ça a bien mal vieilli. Bah, ouais. Au niveau des effets spéciaux, justement, ça a pris une grosse claque. Mais ça reste quand même intéressant pour toute la patte de Lynch. Et je me permets, parce qu'il me reste trois lignes. Il y a du coup ce jeu vidéo dont je voulais vous parler. Oui, c'est ça que j'allais faire référence, parce que moi j'ai connu le jeu vidéo Dune. Alors, t'as connu le jeu Dune ou t'as connu Dune 2000 ? C'était Dune 2000. Dune 2000, eh ben, c'est celui-là dont je vais parler. Ouais. Donc Dune 2000, qui est un jeu de stratégie en temps réel, qui est du coup pour le coup un format complètement adéquat, parce que ça permet de choisir du coup les différentes maisons, ouais, Harkonnen, Atreides et les Fremen. Et là où je trouvais que c'était intéressant, c'était l'intérêt dans les briefings de mission, c'est-à-dire en gros les courtes scènes avec de vrais acteurs qui rendaient le côté immersif de l'époque, mmh, et qui peut se voir dans pas mal de ces jeux-là, notamment Command & Conquer. Ouais, donc, parce qu'ils avaient découvert qu'on pouvait mettre des clips dans les jeux vidéo, donc c'était l'époque. Ils se sont fait plaisir. Ah ouais, totalement. Et tu as joué du coup à ce jeu-là ou... Oui, j'y ai joué quand j'étais petit. Oui. J'ai réussi à rejouer dessus il n'y a pas très très longtemps, mais c'est une version c'est un peu pétée. Bah, le jeu a tellement vieilli que, ouais, ça rentrait sur disquette à l'époque presque. Hein, donc, Ah, mais t'as des vieux jeux comme ça qui sont encore jouables. Hein. Ouais, mais ça, voilà, c'est StarCraft, des choses comme ça. Et bah, justement, ça ressemble beaucoup à StarCraft. D'accord. Et c'est pour ça que moi je trouvais ça intéressant aussi. Et puis voilà, donc. Je me permettrai de finir avec cette petite citation. Je t'ai dit, on s'en fout, là maintenant on est complètement hors délai. Donc c'est Paul Atreides. Les délais avec Avengers. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Voilà, Teddy. C'est Space quand même. Maintenant j'ai fini. Et si tu veux aussi, bah, après je sais pas si vous avez ça dans cette émission là, mais j'ai toutes les sources, parce que clairement. Oula, pardon. Clairement, je cite aussi le fossoyeur de films, parce qu'il avait fait toute une chronique dessus. Ouais. Y a aussi, j'ai été chercher dans des interviews de David Lynch en 85 et deux, trois petits trucs comme ça par-ci par-là, donc si besoin. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on, à la fin de l'émission, je les mettrai sur Facebook en ligne, comme ça carrément. Vous pourrez les avoir. Et comme ça, vous pourrez voir encore plus de Dune, je l'ai bien dit. C'est ça. Très bien. Là, je suis trop fier de moi. Donc vous pourrez voir plus de détails que John a cherché sur le livre, enfin roman, film et jeu vidéo Dune. Voilà. T'as bien aimé le jeu ? C'est quoi ton préféré ? Le roman, le film ou Le roman. C'est une énorme claque dans le visage. C'est vraiment très bien fait, c'est très bien pensé et c'est un langage qui reste très simple. J'ai envie de dire le roman. Le roman ? Ouais. D'accord. Mais après voilà, le jeu vidéo touche à l'enfance aussi, donc je peux pas vraiment choisir, mais le roman vaut vraiment le coup, donc si vous avez l'occasion, lisez-le, ça vaut le coup. Peut-être mieux de commencer par le roman, vu que le film était un bordel. Alors oui, étant donné que c'était un bordel monstre, peut-être ne regardez pas le film, on va savoir. Justement, je sais pas, enfin j'ai jamais vu le... Comme j'ai pas vu le film avant d'avoir lu le bouquin, ouais, je sais pas du coup ce qui se passe. Moi c'est vrai que j'avais toutes les références clés en main, ouais, mais je pense que ça doit être un peu spécial quand t'arrives dans un truc qui est complètement fucké. En théorie, vaut mieux toujours lire les livres avant de faire le film, mais oui, c'est de la théorie, après il y en a, ils ont l'inverse. C'est à voir, c'est à chacun son goût. Voilà. En parlant de goût, on va écouter le titre de Le Bœuf. Ouais, ça a aucun rapport, mais bon, si Le Bœuf. Si Le Bœuf, la viande. Le voilà, goût, ouais, c'est Le Bœuf. Transition, voilà. T'as dit cette transition. Elles sont magnifiques, mes transitions. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, le titre de Le Bœuf, Regulate. Mm-hmm. Et un bel anglais encore. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Eh oui, les PK Avengers, le votre rendez-vous du jeudi de 21h à Ouais, presque 23h, on va dire. Hein. Presque, non. Au moins 23h. Au moins 23h, effectivement. À cause de moi, 1h du matin, oui, je suis désolé. Non, pas forcément. J'avais prévu un trou. En fait, j'ai prévu dans mon programme. L'espace John. Exactement. Alors, non, c'est pas l'espace. Il appelait ça le trou avant, donc t'es gentil. Tu mets du temps et. Tu vois rien. En fait, t'es en train de me dire que mine de rien, t'as choisi volontairement de laisser du blanc, donc de pas faire ton émission en entier. Ah, quand je vois que j'ai vu de la lumière, viens, tu vois, je me suis. Ouais. Mais imaginons qu'ils auraient respecté les timings, t'aurais été dans la merde. Hein. Ouais, clairement. Non, mais bon. Parce que rappelons-le, tu n'as rien préparé pour l'émission. Quoi, mais, comment ça, j'ai rien préparé? En même temps, quand on a repris, on était trois et t'es dit, ah, ouais, ça va faire qu'une heure, une heure et demie. Bon, on a fait 30 minutes d'intro, c'est passé. Hein. Ouais. Non, mais c'est pour la Et on a fait trois sujets. Et on a fait trois sujets. Mais en une heure et demie. Ouais. Mathis, c'est ton grand retour. Ah oui. Tu ah vas oui. nous présenter quelque chose. C'est mon grand retour. Il a retrouvé le nom du film. Alors oui, du coup, je vais vous parler du film Amis Publics, sorti en 2015. Alors, je sais plus du tout quelle date. Mais, c'est pas très grand. Mais c'est en 2015, fait à peu près, en tout cas. Un, ouais, courant ça fait 2015, ouais, c'est ça. Dit, ça passe très bien. Ouais. Oui. Alors, Amis Publics, dans un film sorti en 2015, comme acteur principal, Kev Adams. Alors, Kev Adams... Aïe. On a rien dit encore. J'ai entendu acteur, moi. Oui, j'ai compris. Il commence mal. Ouais. On clash un petit peu Kev Adams, mais bon, bien sûr, on respecte les gens qui l'adorent, voilà. Ouais, et on aime bien, ouais. On va s'arrêter au bout d'un moment. Bon, Kev Adams, c'est pas aimé de tout le monde, mais en tout cas, dans ce film, il a été très très bon. Enfin, je l'ai trouvé très très bon, en tout cas, personnellement. D'accord. Alors, donc, il a été produit par Elisa Soussan, je sais pas si vous connaissez. Ouais, produit quoi d'autre ? Réalisé par Édouard Pluvieux. Plus vieux, ça fait bien français. Ça fait bien français, effectivement. C'est bien d'actualité avec ouais, le temps c'est, c'est clair. Ouais, c'est ça. Donc, avec plus de 760 000 entrées et un box-office de 5,7 millions, plutôt pas mal. Oui, 5 millions, c'est ça. C'est sur la page Wikipédia là, non ? Non. John aussi est sur la page Wiki. Ah non, mais je regarde un peu justement, je me renseigne, je savais pas qu'il y avait Vincent Elbaz qui jouait dedans aussi. Qui lui, par contre, est un acteur que j'aime bien. Ouais, Mathis, il connaît que Kev Adams, par contre. Hein. Non, mais c'est des acteurs qu'on connaît pas forcément. Il y a tellement de gens en France. Tu sais. Il y a 60 millions de personnes. Mais tu dis ça à un expert du cinéma, John, quand même. Non, expert, non. Pas quand même, non plus. Que ça soit Clément ou John, vous faites quand même du cinéma. À petit budget, oh, je sais pas comment on peut dire ça, mais vous êtes souvent acteur sur des projets. Non, continue. T'es dit, il est parti en roue libre. Ouais, parce qu'en fait, Indestar travaille souvent en partenariat avec le SVA. Oui, ouais. Le SVA, c'est une association de cinéma dont moi et Clément on en fait partie. Ouais, c'est tout. Oui, c'est... Ouais, voilà. Je regarde, non. Ah, là, c'est bon, t'inquiète pas. Et vous avez souvent fait des acteurs pour ce genre de court-métrage. Alors, John évidemment a fait d'autres trucs en plus. Il a travaillé notamment sur une série Netflix. Je sais pas si c'est Netflix. Non, elle est pas alors, Netflix. Non. La Lazy Company. Non. Alors, John n'a pas travaillé sur la Lazy Company. Faut rendre à César ce qui est. T'étais figurant. Ah, mais j'étais figurant, oui. Excuse-moi. Je te mets en valeur. J'ai envie de te dire, à ce compte-là, oui, j'ai été silhouette. Mais enfin, le rôle n'a pas été pensé pour moi. Faut pas déconner. C'est pas grave. Ça compte quand même. T'es passé à la télé. Moi, ça fait mon bonheur. Ah, bah d'accord. Bah écoute, oui. À ce compte-là, oui. Ok. Tu pourrais nous dire ta célèbre réplique ou. Non, d'accord. Ok, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une réplique au moins D'abord, plutôt une deuxième paire de chaussettes chez les pieds, un stalagmite. Eh oui. Putain. Il jouait un Allemand. Mon dieu. Ouais. Il le fait bien en plus. Hein. Ouais. Ah bah, si tu veux, j'ai été recruté parce que j'ai un petit peu un physique de SS, donc voilà. C'est on me l'a dit aujourd'hui aussi. Je sais pas pourquoi. À toi aujourd'hui. J'étais dans une pépinière de fleurs. Excuse-moi, Mathis, on coupe un petit peu. Vas-y, mais vas-y. Été dans une pépinière de fleurs pour un projet de tournage et tout. Puis le mec, il me voit arriver, il me dit oh putain, mais attends, c'est un nazi là, avec son pantalon et ses Rangers. Je m'attendais pas à ça, je te connaissais pas le mec. Mais c'est tellement. J'ai dit non, vous inquiétez pas, je suis boulanger. Ah oui, bah les fours et tout. Oh, c'est chaud. Ouais, il range. Les fours sont chauds. Pourquoi J'ai rien fait. Et du coup, ça s'est pas bien passé. C'est très bien passé. Il était plutôt sympa. Et tu étais où? Comment dans cette pépinière? En train? Non, parce qu'il manquait plus que ça, je veux dire. Oh, non, mais. Il m'a fait bader ce type-là. Ouais, tu m'étonnes. Tout ça pour dire que vous vous y connaissez quand même un petit peu en cinéma. Parce que Non. Alors là, j'ai fait juste trois clics moi aussi de mon côté. Et on fait tous des clics. Le réalisateur, donc Édouard Pluvieux, a sorti un film qui s'appelle Ma Meuf et Amis Publics. Voilà. D'accord. Okay. Mais vous y connaissez. Mais c'est ta chronique. Je te remercie de mon travail. Ça veut dire que j'ai vraiment mal fait, du coup. Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Non. On a dit Kev Adams, ça m'a fait. Ça, c'est autre chose. Allez. Ah non, mais, ah bah ça commence. C'est pour souligner quand même que Clément et John, ils ont un peu de bagage quand même dans le domaine du cinéma. Même s'ils veulent pas le dire. Moi je considère qu'ils ont plus que moi. Mais le film de Kev Adams. J'aimerais juste savoir à partir de quel moment critiquer Kev Adams ça veut dire avoir du un bagage culturel en cinéma. Non, aucun rapport. Vas-y Mathis, Je parle du film du coup. Ouais. Alors, le film commence à Lyon, donc au moment où il y a des gros accidents chimiques. Donc une entreprise, c'est plutôt une usine qui a explosé. Et le problème, c'est que il y avait des tas d'écoles autour et les enfants ont été irradiés. Je sais pas si on peut dire irradiés, mais il y a eu des gros problèmes de santé. Il y a eu des tas de cancers, quoi. Alors je sais pas si ça arrivait réellement. Je sais qu'il y a eu différents problèmes à Lyon, mais est-ce que ça arrivait réellement, ça, Où la centrale Seveso là? C'était pas à Lyon? La quoi? Tu sais la centrale Seveso qui avait explosé? Moi je connais que Tchernobyl. Dans le début des années 2000, peu après les World Trade Center, là il y avait une. C'était à Toulouse. C'était pas à Lyon. Donc c'est un accident d'une usine qui s'appelle Pétrochimie. D'accord. Mon invité me fait remarquer, c'est mon tiré de fait réel. Oh pardon. Chloé. Et c'est tiré de fait réel en fait. Ah ouais. J'ignorais. D'accord. Ok. Et donc on commence sur ça. Donc au début un accident qui indique clairement que ça va être le gros bazar. Donc on arrive du coup sur un personnage qui s'appelle Ben et du coup qui a un cancer. Donc parce qu'il était étudiant à côté de cette fameuse. Lui au moment où ça a explosé, lui jouait au foot avec ses amis en fait. Ah, comme quoi jouer au foot c'est dangereux. Le raccourci. Vraiment pas très loin du tout de l'usine et il s'est pris des radiations, ce genre de trucs. Le produit chimique bien violent. Donc, on y précise pas quel cancer il a, mais on sait qu'il a un cancer et donc il est en traitement dans un hôpital du coup. Ça se voit qu'il a un cancer aussi parce qu'il a plus de cheveux. Mais c'est. Attends, Kev Adams, c'est vraiment rasé les cheveux pour le rôle? Non, c'est pas le rôle de Kev Adams. Ah merde. Non, le frère. C'est le frère. Hein. Non, mais c'est une question. Alors, oui, c'est effectivement son frère. Il sait que Ben va mourir, donc il va tout faire pour réaliser son rêve. Et le rêve de Ben, c'est un braquage. Pourquoi? Ça a l'air un peu bizarre, dit comme ça. Ah, oui. C'est pas que c'est bizarre, c'est qu'il y a des rêves quand même un peu plus. Ouais. Un peu plus réaliste surtout. Oh, c'est réaliste pour le coup, hein, mais il y a des rêves plus. Mais tu te dis que la suite logique des choses, quand tu fais un braquage, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir faire des choses. Ouais. Si ton rêve c'est de faire le braquage, je comprends pas, mais pourquoi pas, tu vois, à la limite. Puis en fait, il voulait aussi que l'entreprise elle paye parce qu'elle a jamais payé au final. Et je pense qu'il voulait récolter surtout de l'argent pour surtout tout ce qui est victime. D'accord, le braquage était dans cette usine là, non? Ou c'était non, c'est, chose c'est totalement à part. Classique, une banque, sans doute. Oui, plutôt. Le LCL, le Crédit Lyonnais. Méfiez-vous. Je sais pas. Et donc, du coup, ils vont, avec deux amis donc de son frère, ils vont essayer de réaliser son rêve. Mais le problème, c'est que. Alors. Ils sont mauvais? Je vais vous raconter. Comment dire? Ils ont prévu avec un mec donc qui travaille dans une banque de faire un faux braquage. Est-ce que vous sentez à la couille venir? En fait, le problème c'est que le jour J, ils se trompent de banque. Donc ils sont arrêtés. C'est un peu des blaireaux, quoi. Cette bande de cons se trompe de banque. Ah ouais. Donc et finalement ça tourne à quoi? Ça tourne au vrai braquage, Ils sont arrêtés parce que. Ça tourne au vrai braquage et eux, sur le coup, ceux qui sont au courant s'en rendent compte, mais le frère dont c'était le rêve ne s'en rend pas compte du tout. Le problème, c'est que les autres se rendent compte qu'ils se sont trompés et du coup, ça donne vraiment une scène étrange. Vraiment. Ah, c'est vrai que quand t'organises un faux braquage, que tu vas braquer la mauvaise banque, les autres ils doivent déjà te regarder. La banque en elle-même va te regarder. Mais en plus, ils ressortent, ils disent putain, ils jouent vraiment bien quand même. Vraiment, faut être vachement fort. Donc au final, ils braquent à la mauvaise banque et ils sont du coup, ils sont vraiment ennemis numéro 1, mais ils sont jugés comme dangereux vraiment dans Lyon quoi. Mais ils y arrivent. D'accord. En vrai braquage, ils arrivent à. Alors oui, ils y arrivent. Enfin, ouais. Mais ça part en cacahuète après. Donc ils vont se cacher un petit peu chez différentes personnes qui connaissent. tu vas dire du coup là, non? Du coup, j'ai été sûr. Et qui vont essayer de se cacher un petit peu, et le problème, c'est que ils sont jugés. En fait, comment dire? Excusez-moi, je cherche tes mots. J'ai un petit trou. Il est perdu. Ils ont fait différentes vidéos pour remettre l'accident, enfin, pour remonter l'accident qui avait été totalement. Pour dénoncer. Oui, c'est ça, pour dénoncer, ouais. Je te remercie, t'as dit. Mais dans rien, je suis là pour ça. Pour dénoncer l'accident qui a eu lieu quand même assez longtemps avant et qui avait été étouffé par l'État. Type à la Greenpeace ou genre de. Ouais, un peu comme ouais. Ça. D'accord, je un vois. Peu genre Tchernobyl, tu vois, genre ouais. le nuage, pff, il s'arrête à la frontière. Ouais. C'est exactement ça, tu vois. D'accord. Donc, ils deviennent un peu les héros par rapport aux gens qui ont eu cet accident-là. Mmh. Et du coup, au niveau de la population, vraiment, ils sont jugés comme des héros. Alors, mais c'est au niveau quatre de l'État, mecs. On est sur un délire, la Casa des Papels, c'est-à-dire t'as les braqueurs qui sont aimés de la population et alors qu'en fait l'État essaie de les. C'est ça? Bah en fait oui, ça ressemble un peu à la Casa des Papels. Si. Mais ça a été fait avant. Ok, non, non, oui, mais. Oui. Oui. Oh bon? Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Bah 2015. Ouais, je sais pas. Donc ouais, il y a un petit air et franchement c'est super intéressant. Je sais plus quoi dire, je suis désolé. En fait, ça vient de là le titre Ennemi Public. Oui, effectivement. Parce que je ne comprenais pas jusqu'à toi que tu m'expliques ça, évidemment. Ouais. Petit jeu de mots, Ennemi Public, Ami Public. Effectivement. Et Kev Adams, dans ce rôle, joue très bien parce que lui, c'est le rôle du frère qui doit réaliser le rêve de la personne qu'il a toujours aimé, tu vois. Et donc, il joue bien, il y a quelques scènes un peu marrantes. Mais. S'il n'y avait pas d'humour, ça. Ça ne sert pas Kev Adams. Enfin, d'humour. Est-ce que t'as eu à un moment une scène qui toi t'a marqué, qui te résumerait le film, la scène que t'as préférée? C'est à la fin en fait. Du coup, c'est... Ah pardon. Ok. Je veux pas trop le dire. Faut pas spoiler. Non, on spoil pas. Mais alors oui, alors une note sur 20 sur ce film. Un petit 16. Enfin, 16. Pour ma part, je pense 16. Ouais. Okay. Petit 16. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça. Chloé, cool. Tu l'as vu toi aussi? Tu mettrais combien? J'ai pas vu la fin, mais je mettrais 15 pour le peu que j'ai vu. T'as pas vu la fin? Ah, c'était si chiant. T'as pas vu la fin? Comment endormi. Ça, t'as pas vu la fin? Y a-t-il d'autres gens qui l'ont vu dans le studio? Clément? Non. Non. John? Non plus. Non. Non. Non, mais c'est pour ça que je juge pas. Hein, j'ai pas vu. Non. D'accord. Oh. Bah, je t'invite d'accord. À le regarder. Mais 15, ça donne envie de le regarder quand même. Ouais. Bah, moi, en tout cas, je vous. Non, vous toi, tu as dit 16 et 15 en regardant que la moitié du film. C'est bien. Il y aura peut-être un point bonus en voyant la fin. Oui. Qui a marqué plus que d'autres? Oui. Ah, du genre? Je vais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas vu, mais il y a une scène triste et l'argent qu'ils ont pris ont été donnés à un papa. Une jeune fille a été décédée à cause de ça. Et du coup, lui-même en fait il sait pas ce qui se passe et du coup il va se faire accuser lui-même d'avoir braqué la banque. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez entendu? Ah oui. Un petit peu. D'accord. Oui. Ah, ça c'est Mathis. Le micro, il a donné moitié le micro. Ouais, c'est ça. Attends, c'est mon micro quand même, tu prends. C'est mon micro. On fait pas chier que mon micro. C'est ça. Je pense que les auditeurs se diront, tiens, c'était quoi cette petite musique entraînante qu'il y avait en fond? Ah, c'est ce qu'on appelle un bed à la radio. On a souvent des petites musiques qu'on entend. Non, t'as pas beaucoup entendu, c'est pour ça. Moi? Non, Ah, Chloé? Oui, effectivement. Ah, ça, c'est la faute de Mathis. Ah, Chloé, un petit peu. Chef, oh, pardon. Donc, Chloé, un petit peu timide. Donc, en gros, elle a dit. Traducteur. Le traducteur. La madame te demande. Google traduction est là. Alors en gros, elle a dit que tout l'argent qui avait été pris pour le braquage a été reversé du coup au père d'une fille qui a été tuée à cause de ça. Enfin qui est décédée à cause de ça et donc ils ont créé une association pour aider les gens. Mais du coup, ils ont été accusés à tort. Alors, c'est le père du coup qui était accusé à tort parce qu'il arrivait avec de l'argent qui vient d'une banque. C'est ça, volé. Oui, oui, oui. Oui. Forcément, il y a un lien quand même. Oui. D'accord. Ils sont pas trop cons encore dans la police. J'arrête. Oui, arrête. Voilà. Si tu veux qu'on arrête, on va écouter de la musique alors. Pourquoi pas. Voilà, on va écouter Kiba Shade avec son titre Mesdames. Et après, il y a quoi? Après, y a une autre musique, non? Non. Mais non, j'ai vu de la lumière. Mais oui, après, je suis pas. Mais j'ai pas tourné ma page. Après, c'est le sketch de Clément. Ta page, mais oui. T'as pas démis. T'as rien marqué dessus. Arrête. Si, il, y a écrit, il a fait beaucoup de gribouilles. JVDL. Mais du coup, c'est GDL, si j'ai bien compris. JVDL. Non, JVDL. Enfin, ouais, j'ai vu de la lumière, un petit sketch que Clément nous a concocté qu'on va réaliser tout de suite après mesdames. PK Avenger sur Indestar, c'est mieux que le manga Devil Devil. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avenger. Bonjour à tous, vous êtes dans J'ai vu de la lumière, bienvenue, nous sommes mardi soir, je suis Clément Jouteux, on est parti pour 2 heures d'improvisation avec nos invités. Bonjour John. Bonjour Clément. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, alors toi on sait que t'as fait du théâtre un peu partout, en Irlande, aux fruits, oui, et tout ça. Oui, on ne me présente plus. Formidable, bonjour Yann. C'est qui? Bonjour Théo. Ah, bonsoir. Allez, et de deux. Théo. Oui, je suis là. Le daron de la radio. Je suis très content d'être là le mardi et même le jeudi. Tout à fait, l'homme qui répare les micros dès qu'il rentre dans les salles, c'est incroyable. Teddy, bonjour. Bonjour Clément. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu dans J'ai vu de la lumière. Amour, gloire et René m'a manqué. Ah, c'est vrai. Multix aussi peut-être. Non, moi. Multix, moi. Figure-toi, j'ai une petite anecdote quand même. J'ai reparlé d'Amour, gloire et René parce que j'ai un projet de tournage avec Thomas. Ouais, j'en ai plein des projets. Ouais. Je dois faire une machine, une rue de Goldberg. Oui, je connais. Effectivement. Et du coup, c'est une machine avec une succession d'événements. Oui, cause à effet, genre une petite boule qui roule. Qui est en porte de domino, ouais. Voilà. Et je dois faire un moment dans le circuit des croisements d'Abesslang. D'accord. Et en fait, genre derrière, ça saute. Il est venu me voir hier au travail en me disant il faut que je fasse des Abesslang. J'ai fait Amour, gloire et René. C'était très drôle. Bonjour Mathis. Bonjour. Est-ce que tu es content d'être dans J'ai vu de la lumière alors je suis entré? Bah oui, extrêmement content, écoute. Bah formidable. C'est donc. Pardon. C'est ta première. Effectivement, c'est ma première, oui. Donc, bon, c'est toujours PK Avenger, bien sûr, mais on va faire une petite improvisation en mode J'ai vu de la lumière. Donc, je vous ai préparé un petit scénario à la con. Comme c'est une émission un petit peu geek tout ça, on va créer le décor d'une convention de jeux vidéo. Oh. Donc vous savez, en convention il y a plein d'invités qui arrivent. Ça, c'est cool. Ouais. Et là on va avoir un stand avec un écrivain qui est à l'origine de la série qui s'appelle Mortifouette contre les loups-garous albinos des étoiles. Mortifouette contre le loup-garou albinos des étoiles. Mortifouette contre les loups-garous albinos des étoiles, tout à fait. Putain, sans faute. Wow. Sans regarder la fée. Je retiens bien parce que ça va être toi, John. Donc, c'est un livre qui a été adapté en film, qui a eu un gros succès. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement gros, comme Star Wars un petit peu. Il y a beaucoup de fans qui vont venir voir cet homme. Donc il y a eu bien sûr des adaptations en film, en série, des produits dérivés tels des figurines, des gobelets, des t-shirts, des boules pour le bain, des machines à café, de la poudre à récurer, des porte-savons en laiton. Voilà. C'est plus quoi avancer. Tu peux refaire ta et le pins, t'as oublié le pins. Non, il y a pas de pins. Ah, il y a pas de pins. Non, ils avaient pas, parce qu'ils avaient pas les droits. Pas les moyens. Je te raconterai une autre fois. Parce qu'il y a un gros lore à mon impro. Et donc John, c'est toi qui vas faire cet écrivain. Je te laisse trouver un nom et je te mets comme contrainte un petit peu d'être désabusé. Parce qu'à la base, tu voulais être un Balzac, oui. Mais tu as commencé à écrire une nouvelle de science-fiction. Et, ça a plu, j'ai trouvé un filon et j'y suis voilà, resté. Voilà, tout à fait. D'accord. Mais à la base, c'est pas ça du tout que tu veux faire. Toi, tu considères un petit peu les fans de science-fiction comme des moins que rien, tu vois. Donc tu es très méprisant. Je méprise mon propre public. Absolument. D'accord, donc toute la thune que je me suis fait, mon empire, est un tissu de mensonge en fait. Un peu. C'est chouette ça. Non, c'est je prends votre argent et niquez vos mères. C'est un peu ça. Bah, tous les gens qui aiment tes œuvres de science-fiction, tu les envoies plus ou moins chier parce qu'il faut quand même faire du dialogue. Mais voilà. Et tout le reste des gens, donc Yann, Théo, Mathis et moi, on va faire des fans qui vont venir te voir, te poser des questions, faire dédicacer des choses, peut-être te donner des suggestions d'idées. Vraiment, vous pouvez aller chercher dans toutes les personnes qui pourraient se trouver à une convention. Peut-être même. Oui. Tu viens de nous donner une idée là. Oui. Suggestion d'idées, idées. Ouais, non, c'est bon, on oublie. Non, mais vraiment, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Une maman en colère parce que c'est trop violent. Vraiment, on est vraiment libre là-dessus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et bien sûr, John a son personnage fixe et nous, on va pouvoir faire plusieurs passages pour s'inventer d'autres personnages à chaque fois. D'accord. T'es un enfoiré, tu donnes des idées à tout le monde et moi je suis là. Attends, comment je vais m'appeler? Tu te démerdes. Puis-je faire le jingle à la bouche? Faute de budget. Oui, tout à fait. Okay. John, attends. John, est-ce que je peux te proposer de lire un petit extrait de ton roman en début d'improvisation? Oui, j'ai pas le droit de dire non, il paraît. Donc, donc il va y avoir le jingle et ensuite John va lire un petit extrait à la foule de fans qui est devant lui, puis commencer les dédicaces. Ok, c'est d'accord. Quand tu dis lire un petit extrait, c'est évidemment c'est plus présenter le bouquin qui va suivre. Oui, parce si que tu veux. Parce que j'ai pas le feuille, la feuille devant moi. Oui, oui. Non, mais que les gens soient au courant quand même, hein, que si je bafouille, il y a une raison. Ah bah oui, complètement. Est-ce que tu peux juste me répéter, s'il te plaît, le nom de, du livre? Je vais te le carnet, c'est Mortifouette contre les loups-garous albinos des étoiles. Tu crois que c'est quelque chose? Mortifouette contre le loup-garou. Le loup-garou albinos des étoiles. Ouais, les loups-garous. Les loups-garous. Bah oui, c'est, bah oui. C'est un peuple. D'accord. Ok. Et j'ai fait qu'un bouquin. Non, plein. D'accord. Une trilogie, ouais. Ok, et ça c'est quoi trilogie. C'est le premier c'est, Ça c'est. Le c'est... dernier que j'ai sorti. Ouais, voilà. Très bien, ok, ça marche. C'est bon, j'ai. On est prêt, le petit jingle à la bouche. Je vais essayer. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tout le monde est là? Oui, oui. Super. Alors du coup, je vais vous lire un extrait de la suite que sera Mortifouette contre les loups-garous albinos des étoiles. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous lis juste un court extrait du chapitre 1. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Oui, ouais, super. Ouais, super. Oui. Ça vous va? Oui, avec plaisir. Ok. Génial. En l'an 2042. Oh, c'est trop bien. Sur la planète XV prime. La séduisante Asha Obligador. La célèbre commandante de l'escadron XV prime 2503 Je parie qu'elle meurt. C'est donc un alphabet. Je me permets, hein, je vous traduis un peu. C'est le nouvel alphabet que j'ai réussi à inventer pour mon personnage. Ce type est un génie. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup, Asha, comme on aime bien l'appeler, décide de partir en exploration intergalactique afin de se rendre compte que l'astéroïde 134,2 est en fait sur le point d'écraser sa planète natale. Oh, Gilly Prime 22000. Oh là là. Alors là, vous voyez bien, j'ai fait une petite référence à Dune, hein, parce que voilà, j'ai un petit peu emprunté et en même temps, j'ai rajouté ma patte. C'est quoi voilà. Dune? De quoi il parle? Je comprends rien. Je sais pas. C'est génial son truc. Asha se retrouve face à une horde impie d'extraterrestres ambulants. Et la suite, évidemment, dans mon prochain livre que je vendrai $150 ici. Oh, c'est pas cher. Ce oh, comment je l'ai bien, j'ai une affaire. Évidemment, la dédicace est offerte. Comment il nous dit, super. Monsieur, bonjour. Une question. Bonjour, je m'appelle Kevin. Voilà, je voudrais savoir pourquoi dans le tome 2, c'est pas logique. Parce que la princesse des marées, en principe, elle devait être dans le vaisseau du sultan. Alors qu'on la retrouve dans le chapitre 15,5. Et en fait, elle n'a pas le même costume à ce moment-là. Comment ça se fait? Alors, c'est totalement normal. C'est parce que du coup, la princesse des marées se métamorphose en fonction de là où elle atterrit. Et donc du coup, ça permet aussi pour les téléspectateurs de ne pas avoir de faux raccords. C'est pour ça. Et oui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, pour tout ce que vous faites. Vous pouvez me dédicacer que vous portez ponge en laiton? Oui, oui, oui, après. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, si je puis me permettre. Professeur de la frite, professeur de mathématiques, j'ai un peu analysé votre bouquin là. Je trouve qu'il y a pas mal d'incohérences en termes de valeur. Vous dites 152,2. Et c'est vrai que moi, ayant fait une fraction hein, par rapport à la galaxie, j'obtiens plutôt 96,4. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ces rendus mathématiques là? Totalement, c'est parce que du coup ces rendus mathématiques sont fournis par une autre planète que du coup les repères que nous avons, nous terriens, et en conséquence ça me permet aussi en tant qu'auteur d'avoir une liberté et d'échanger un petit peu les nombres en fonction des planètes. Vous voulez dire que la valeur de pi de 3,14 serait pas valable sur votre planète fictive? Pas du tout, en fait pi sur la planète Gilly Prime 2000 c'est 5,34527. Ah oui, alors forcément ça remet tout en cause. Voilà, c'est peut-être pour ça que du coup que l'équation que vous avez trouvée est fausse, mais si vous faites le calcul, je suis persuadé que vous trouverez du coup un résultat qui est approximativement celui-ci. D'accord, bah, je vais me faire un petit Pythagore et puis je reviendrai vous voir si je trouve la valeur exacte. Pas de soucis, mes amitiés à Thalès. C'est quoi se faire un petit Pythagore? Mes amitiés à Thalès. Une question peut-être? Oui, bonjour. Bonjour. Alors je sais pas exactement ce que vous faites, mais mon fils adore, il a ce bouquin et voudrait le dédicacer, donc bon, du coup je l'ai pas emmené parce qu'il était totalement hystérique, je l'ai plutôt enfermé dans la bagnole. Est-ce que vous pouvez signer ce bouquin s'il vous plaît, parce que vous avez l'air d'être connu? Alors, comme tous les autres, hein, du coup, ce sera au stand après. Là, pour le moment, c'est que les questions avec le public. Mais n'hésitez pas à revenir près du stand, je dédicacerai. Vous signez pas mon bouquin? Si, mais après. Ah, mais c'est maintenant, moi j'ai pas que ça à foutre, vous voyez que... Ah bah alors, moi je vous conseille de repartir à la voiture, ouvrir un petit peu la fenêtre, parce que je pense que du coup, là, votre bébé doit être déshydraté, et puis revenir après, plus tard. Non, mais il a 2 ans, super. Une autre bébé, question, hein. S'il vous plaît. Quel connard. Monsieur. Wesh. Dis-moi, pourquoi ça se passe comme ça dans le livre? Dis-moi. Alors, pourquoi quoi se passe comme ça dans le livre? Pourquoi l'histoire est tournée comme ça? Ça n'a aucun sens. Alors, elle est tournée dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'est un bouquin de science-fiction, et donc du coup, tu peux l'interpréter à l'envers. Ça répond à ta question? Je sais pas. Et ben moi je dirais que oui, super. C'est pas grave. Je vais. Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà. J'ai lu votre livre. Oui. Et je trouve que c'est un livre vraiment néfaste pour l'espèce humaine, d'accord? Parce que vous voyez, moi je suis témoin de Jéhovah. Ah. J'essaye d'enseigner la vraie raison de croire aux jeunes. Mmh. Et vous arrivez, vous êtes plus populaire que Jésus, on dirait, et vous racontez des inepties, des bobards que les jeunes prennent pour argent comptant. Oh, voyons, Jésus n'est pas Basile Vallée. Non, par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, il y a toute une partie théologique, bien sûr, à ce bouquin. Hérétique ? Non, théologique. Théologique. Vous êtes un hérétique, monsieur. Ah, alors ça, c'est vous qui le dites. Mais non, moi, tout ce que j'ai fait, c'est... si vous voulez, dans le prochain bouquin, je peux faire apparaître des témoins de Jéhovah. Mais attention, des témoins de Jéhovah qui auront le premier rôle et qui iront conquérir la planète Terre. D'accord. Histoire de rester un petit peu dans le sujet principal. D'accord, je vais être honnête avec vous, monsieur. J'avais un pistolet pointé sur vous à travers ma veste. Je ne vais pas tirer. Si ce que vous dites s'avère vrai, je repenserai la question. C'est gentil, merci. Mais après, n'hésitez pas, hein, si vraiment vous voulez tirer, je pense que du coup, au niveau des ventes, ça sera plus sympa pour ma femme, mes enfants. Enfin, ma femme m'a quitté, mais mes enfants, ouais, si vous voulez. Voilà. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. C'est de la merde! C'est de la merde, là, votre truc, là! Bonsoir! Bonsoir. Bon, alors déjà le premier c'était de la merde, le deuxième c'était de la merde, mais alors là c'est de la grosse merde votre truc! Ah, faites attention, j'en ai fait 36. Hein. Oui, bah. J'ai pas lu les autres, hein, épargnez-moi cette ineptie. Bon, moi j'ai une librairie, hein, j'ai acheté vos bouquins parce qu'il y avait de la demande, on m'a dit ouais, tu verras, ça se lit, bon, ça se lit pas du tout. C'est-à-dire que moi j'ai un stock, j'en ai fait de la déco, tellement c'est nul. Ça pas du tout, sauf que moi je les ai achetés les bouquins, hein. Oui. Donc voilà, maintenant ils servent de déco. Vous pensez que c'est bon pour le business, ça? Non, mais c'est pas grave, redonnez-les moi et puis moi je les revendrai. Ah, je peux faire ça? Bien sûr. D'accord. Ah bah écoutez, ça m'arrange. Ah oui, parce que moi il y a pas de souci. Hein. Bon, de bah ça façon, tombe bien. Les stocks, je veux bien les garder, hein. À partir du moment où c'est vous qui avez payé, il y a pas de souci. Ah non, mais attendez, je vous les rends, mais vous me remboursez, hein? Ah non. Ah bah ça se passe pas comme ça. Bah, attendez, vous me dites, vous les reprenez. Si vous les reprenez, vous me remboursez. Et j'ai mon 35 tonnes qui est garé dehors. Attendez, mais c'était comment le nom de l'auteur sur le bouquin? Le nom de l'auteur, attendez que je regarde. C'était marqué John Travolta. Ah oui, mais non. John Travolta, c'est un confrère. Ah, c'est pas vous? Ah non, moi c'est Basile Vallée. Ah. Ah bah autant pour moi alors. Mais bah, vous inquiétez pas, il est à côté. Ah, il est là-bas. C'est sur le stand à côté. Ah bah j'y vais. Je comprends la méprise, vous inquiétez pas. Ah bah très pas. Bien, voilà. C'est la merde. Oh, toi de calmer. Oui, bonjour. Oui. Maman a dit que c'est toi mon papa. C'est vrai? Alors, spirituellement parlant, oui. C'est-à-dire que c'est moi qui te guide en fait à travers les histoires. Du coup, tu peux m'acheter un vélo s'il te plaît? Alors non, ça tu vois ça avec ta mère. Ouais, mais maman elle a dit d'aller voir ça avec papa. Ah bah je suis désolé, bah tu vas voir ça avec ta mère. Parce que moi il est hors de question que je te paye un vélo. C'est... Non, j'ai décidé que non. Maman elle a dit que t'étais riche. File dans ta chambre. Mais file dans ta chambre. Bah dites non. J'ai passé. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je suis Jean-Christian Reinsdois, secrétaire d'État au ministère de la Santé. Voilà, je viens vous voir pour un problème qui est assez grave, savoir que j'ai lu toute votre œuvre. Et vous savez qu'avec le coronavirus, on n'a plus le droit au contact. Donc je vais vous demander de réécrire votre livre. Oui. En évitant tous les contacts des personnages. Parce que vous ciblez un public qui est plutôt jeune. D'accord. Donc il ne faudrait pas que les jeunes, vous voyez, imaginent des scènes où il y a des contacts, ça pourrait leur donner envie de rompre cette barrière de 1 mètre. Donc... Oui, mais en même temps, vous inquiétez pas. Enfin, moi, ce que je propose, vous me dites hein, si ça vous va au niveau des règles sanitaires, c'est de tout mettre sur e-book, tout simplement. et par conséquent sur ebook je déciderai de mettre si je veux deux trois échanges mais qui seront dans les gestes barrières. Alors non, je veux dire au niveau de l'histoire, regardez chapitre 2, oui. La princesse Mufasa et le sergent Vitriol se serrent la main. Non, Vitriel. Vitriel, pardon, se serrent la main, voilà. Je ne veux pas qu'ils se serrent la main. Eh bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc je vous laisse réécrire toute votre œuvre et on. Ah mais bien sûr, oui, non, parce que comme ça, moi, ça me permettra d'avoir un autre stock qui sera du coup compatible par l'État et moi, ça me permettra de faire un peu plus de thunes. Il n'y a pas de problème. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je vous serre la main, monsieur. Au revoir. Oh merde. Okay. Oh putain. C'est pas grave. On dira rien à l'État. Je dirai pas au ministre, hein, monsieur. Non. Bonjour monsieur. Écoutez, je suis un fan de Star Wars, monsieur Jean-Pierre Truffion, oui. Et j'ai trouvé que votre personnage principal ressemblait vachement à Mass Window avec son sabre violet. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je sais pas, je connais pas, j'ai pas vu Star Wars. Au revoir monsieur. Au revoir. C'était bien. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ouais, attention. Ouais. Alors, si je peux me permettre, parce que j'ai lu un petit peu votre œuvre qui fait référence, bien sûr, au livre 1515 qui avait été écrit en 76, je crois, par votre confrère Guy de Lequesnec. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai trouvé, alors après, bah, c'est une expérience peut-être personnelle, hein, face au chapitre 2 que vous avez dans la linéa 7, j'ai trouvé des références, je dirais, de figures de style qui me rappellent fortement l'œuvre précédente dont j'ai énoncé le concept, quoi, si vous voulez. Hein ? Bien sûr. Et quelle est votre question par rapport à ça ? Pardon. Ma question était, est-ce que vous n'avez pas fait simplement une référence habile par rapport à, je dirais, par rapport à Guy de Lequesnec. Exactement. Mais bien sûr. Ou est-ce un hasard de la vie qui a conduit à cette ressemblance flagrante, hein, si je peux me permettre? Non. C'est avant tout Guy de Lequesnec et ouais. Entre autres Balzac, Voltaire. Il y a du Rousseau, à un moment donné, si vous voyez bien, chapitre 5. Oui, effectivement, j'ai aussi retrouvé cette ressemblance à Rousseau, ça m'a émoustillé un petit peu, si vous voulez. Et puis après, bon, il y a un petit peu d'Yann Moix sur la fin, parce qu'il fallait bien un épilogue. Ah, j'ai moins reconnu, c'est trop moderne. Mais oui, c'est normal. Et donc, non, voilà, ça vous permet aussi d'avoir une multitude de références, et ça me permettait aussi de récupérer un public d'extrême droite, voilà. Très bien, et je vous remercie de toutes ces précisions. Mais de rien. Je m'en vais de ce pas racheter un bouquin pour ma fille. Oh, merci. C'est gentil. Merci beaucoup à tous pour cette impro. Tintintin, c'était ça. Eh, pas mal. Très joli. Très joli la guitare. Bah, moi, je propose qu'on écoute une musique. Hein, bah ouais, hein, quitte à faire. On va écouter Erkan avec son titre Addiction. Addiction, parce que France et Montpellier. J'en ai marre. Addiction. Addiction. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Le bâtard. Moi aussi je voulais faire la musique comme addiction d'Arkham. Bim bang sax. Ouais, bim bam boum. Et ça fait ping, bam boum. Et ça fait ping et ça fait broum. Ah non, oui, ah ça non, c'est. Oui. Et ça fait bim bam boum. Ouais. Ah, on l'a en plus. Allez, ça va. Reste en tête. Oui. Vous êtes sur les PK Avengers, alors c'est pas pour chanter Bim Bam Bo. Non. N'empêche, vous pouvez quand même nous retrouver en podcast si vous voulez sur indestar.fr ainsi que sur Deezer, iTunes et d'autres. Spotify, j'ai oublié. Une vingtaine de plateformes en fait. Ah, toutes les applications les plus connues que vous avez sur votre téléphone portable où il y a des podcasts de disponibles, et bien les podcasts Indestar sont disponibles dessus. Mais partout. Ah, exactement. Il manque plus que l'application Indestar et on est bon là. Ouais, mais tu sais que c'est de moins en moins la mode les applications. Ah, faut le savoir. C'est vrai. 10h ouais. Aussi, hein. Pardon. Non, 10h, c'est très à la mode. Ah, c'est avant 11h, ça. Il dit 10h, c'est pour ça. 10h de quoi? Si vous avez envie de réagir pour dire qu'on dit trop de conneries ou juste parce que vous avez envie de vous éclater, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306 ou même venir directement à Indestar. Est-ce que tu peux répéter le numéro, s'il te plaît? 09 70 407 306, c'est écrit sur le mur. Oui, alors c'est pas pour moi. J'aime bien le c'est écrit sur le mur. Les gens qui sont à la maison, j'espère que du coup, ils regardent le mur et non. Les gens chez vous, regardez derrière vous. Oui, il est sur le mur, je vous assure. Attention, caméra cachée. Si vous le voyez pas sur le mur, c'est que vous avez pas bien regardé. Je vais le répéter une dernière fois quand même au cas où. 09 70 407 306. Parce que je l'ai dû le dire trop vite. Ça doit être pour ça qu'il m'a. C'est pour ça. Voilà. En parlant de parler trop vite, Théo. Oui, pourquoi? Allez, c'est gratuit. Non, je ne parlerai pas trop vite. Non. Mais on parle beaucoup quand même, notamment dans Actu Solite le lundi. C'est vrai qu'on parle. Non, c'est vrai qu'on parle, mais heureusement, c'est une émission radio en même temps. Oui, c'est vrai que ça serait un peu court s'il y aurait du silence. De quoi je vais parler, c'est ça la question? Ouais. De Alec Johnson, qui est une chanteuse et une comédienne. Et je vais vous parler aussi de la série Instant Star. Et vous allez comprendre que j'ai pas choisi cette chanteuse au hasard. Il y a un petit happening. Voilà. Parce que elle s'écrit avec un Z à la fin, Alex. Alex Johnson, ouais, effectivement. C'est A-L-E-X-Z, effectivement, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et écouter ses musiques. Ouais. Donc chanteuse, actrice canadienne, côté anglais, qui est née en 86, donc elle aura 34 ans cette année. Elle est issue d'une famille nombreuse, ils étaient 10 ans dans la famille, c'est pas mal, plutôt rare de nos jours. Certains ont des sensibilités artistiques, puisqu'il y a un de ses frères qui est musicien et une de ses sœurs qui fait du théâtre professionnel, comme John et Clément. Voilà. À 11 ans, elle se fait repérer pour son interprétation de l'hymne national en chorale, qui est retransmis à la télé canadienne, ça plaît beaucoup. D'ailleurs, les Canadiens commencent à l'appeler la Céline Dion de la côte ouest. Pardon. Ah, c'est bien quand même, attends. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça claque, hein, dans cette chanson. Bah ouais. Que ça fait bizarre comme ça, c'est dur de la côte ouest. Du coup, elle a fait une réédition de Au Canada, c'est ça? Non. Mais ça pourrait, ça pourrait. En 2000, elle auditionne pour la série So Weird. Vous connaissez la série So Weird? Bien sûr. Mais non. Moi pas. Ils recherchent une jeune actrice qui sache également chanter. Et bien c'est son cas. Elle tourne et elle chante dans 26 épisodes de la dernière saison. Et en 2004, et c'est là où on va venir à Instant Star, elle envoie une cassette au producteur de la future série. Alors en français c'était Ma vie de star, hein, vous la connaissez peut-être sous cette version là. Ils recherchent donc une ado comédienne et chanteuse pour jouer le rôle de l'héroïne Jude Harrison. Rien à voir avec les pains de mie, c'est Harris. Oui. Je vous laisse deviner qui ils ont choisi, c'est... Bah, Alex Johnson. Oh, incroyable. Bien joué. Ils ont bien fait parce qu'elle va gagner 3 Gemini Awards dans la catégorie meilleur programme ou série pour les jeunes. C'est des mini awards? Non, Gemini Awards. Ouais, enfin c'est ça, c'est série pour les jeunes quoi. Tu vois, c'est des prix adaptés. Donc meilleure série, meilleure performance et meilleure direction. Donc direction c'est pas pour elle, hein, c'est pour la série, mais meilleure performance d'actrice c'est pour elle. Et rebelote 2 ans plus tard, donc elle rafle tout. Il y a 4 saisons en tout qui sont sorties pour Instant Star. Qui est une série, pour faire le petit synopsis, qui met en lumière le début de carrière dans la musique d'une ado, hein, avec toute la difficulté que ça peut avoir de combiner l'école, les sessions d'enregistrement et puis surtout la gestion de la popularité naissante, tu vois, avec les jalousies qu'il peut y avoir, tout ça. Comme beaucoup d'enfants en star. Exactement. Série qui est d'ailleurs à la limite de la comédie musicale, hein, parce qu'il y a beaucoup de chants, de musique à l'intérieur. Elle participe d'ailleurs à l'écriture de ses chansons, et puis c'est elle qui chante. Donc elle joue son propre rôle, en fait, si tu veux, dans la série, quelque part. C'est assez simple, pour le coup. Enfin, oui. C'est plutôt bien. Bah, surtout qu'elle arrive à faire les deux, donc c'est cool. C'est comme ça que je l'ai connu, moi, Alec Johnson. C'est dans cette série-là, Instant Star, qui passait... C'est à l'époque où je regardais la télé. Et c'est au début de la TNT. Tu vois, c'est vers 2006-2007, ça passait sur Europe 2 TV. C'est une chaîne, ça? Oui, bah c'était. Alors, non, mais attends, c'est une chaîne genre qui a changé 10 fois de nom. C'était donc Europe 2 TV, après c'est passé quand Virgin Europe 2 est passé en Virgin Radio. Direct TV, oui. Oui, maintenant c'est direct. C'est la 17, quoi, c'est la 17, ouais. Ah, c'est 17? Ouais. Ah, ouais, c'est 17, ouais, c'est ça, maintenant. Soit. Alors, il y a plus. C'est Sester, je crois. Ah, c'est C-Star, oui. Ouais, il y a eu C-Star, il y a eu D17, ouais. Il y a eu pas mal de trucs. Oui, c'est passé par différents noms, effectivement, et ça a été racheté d'ailleurs. Il y a plusieurs chansons qui m'ont marqué dans cette série. Alors, par exemple, White Lines. Alors, White Lines, c'est une chanson, sur les lignes blanches. Voilà. D'accord. Alors, vu comme ça, ça donne pas envie. Mais c'est dans un épisode où elle est sur la route et elle est dans un car en tournée, etc. Et elle s'ennuie, son amoureux lui manque, etc. Et elle compte les lignes blanches qui le séparent de son amour. Et du coup, elle écrit White Lights. Voilà. Ah, ok, rien à voir avec les lignes de coke. Non, rien à voir du tout. pas encore. C'est son début de carrière. Il y a aussi Love with My Guitar, celle-là. L'amour avec ma guitare. Ouais, avec sa guitare. Ouais. celle-là, en fait, dans la série, c'est son premier live dans l'école, voilà, où elle chante cette chanson et tout le monde est là. Oh, mais c'est une camarade de notre classe, c'est génial, c'est Jude Harrison, bref. Il y a aussi des reprises, alors là, je vais peut-être parler à Clément, parce que, ou peut-être John, hein, mais ça m'étonnerait que Teddy se dise « Ah ouais, c'est la reprise de... » Allez, les vieux, c'est pour vous qui dit ça. Reprise de Garbage, Stupid Girl, ah, dans les années 90. Et puis pour terminer, et c'est pour ça que je suis venu vous parler d'Alec Johnson aujourd'hui dans PK, c'est que y a la chanson My Sweet Time qui a un lien très fort avec Indestar depuis 10 ans. Oh. Et je vous en dis pas plus parce que je vais vous laisser écouter l'extrait, là vous allez me dire oh! Oui. Eh oui! C'est. Merde! C'est un habillage en thème! Oui! Alors là, vous avez peut-être reconnu effectivement. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent, bah, je vois pas le rapport. Vous avez reconnu le truc. Ah. Vous étiez tous là en mode, ok, ils ont l'air d'avoir un bon moment entre eux. Je vais vous expliquer. En fait, hein. Ce qu'on écoute au début, le tintin, tatalanana, tintin, tatalanana, c'est la signature sonore qu'on a repris pour Indestar. Ah, mais c'est d'accord. Ça, c'est d'accord. Les quelques notes qui font. Alors une signature sonore, c'est ce qui identifie la radio. On la reconnaît comme ça. Et ça a été extrait de My Sweet Time d'Alec Johnson. D'où le rapport effectivement avec cette chanteuse. Et je me suis dit ça serait pas mal de ce soir de lui rendre un hommage parce que on entend toute la journée ces quelques notes à l'antenne sans forcément se poser la question. Sans savoir d'où ça vient. Bien sûr. Et bien ça vient de cette jeune chanteuse. Voilà. Okay. C'est pour ça que j'ai envie de vous passer cet extrait. Au-delà de la série Instant Star, en parallèle d'ailleurs, en 2006, ça joue dans le rôle de Julie Christensen dans Destination Final 3. Mm. Voilà, elle fait un petit rôle là-dedans. En 2009, elle apparaît en tant que Saturn Girl dans Smallville. Je savais pas que Smallville, ça avait duré si longtemps. Pour moi, c'était le début des années 2000. Mais, ça, quand même bien. Ah bah, ça a traîné après. Hein. Ouais, ouais. Smallville. Très belle BO. Et puis en 2010, elle sort son premier vrai album. Alors ça a duré un moment hein, parce qu'elle avait signé avec un producteur, ça s'est pas fait. Elle avait écrit sur son MySpace à l'époque, ça devait se faire. Tu connais et puis, Baptiste, finalement pas. Je connais deux noms, mais wow. Ouais, c'était réseau social de l'époque, hein, MySpace, qui était en premier lieu réservé aux musiciens, mais en fait tout le monde s'était mis dessus. Tu vois TikTok avant, il y avait Instagram. Tu vois avant Instagram, il y avait Facebook. Tu vois avant Facebook, là, c'était MySpace. MySpace, exactement. Donc premier vrai album qui porte le nom, enfin je dis premier vrai album sous son nom à elle, hein, parce qu'il y a des albums qui sont sortis sous le nom Jude Harrison hein, de la série, ouais. Mais là sous le nom Alec Johnson, il s'appelle Voodoo, il est suivi en 2012 de Skipping Stone, en 2014 de Let Him Hit Cake, en 2017 de Stranger Time, et cette année en 2020 il y a un nouvel album qui est sorti qui s'appelle Sting Alive. Voilà, donc j'ai un extrait de Stranger Time si vous voulez avec le titre Gonna Get It, ça te donne ça. Ouais, c'est assez pop, tendance rock, il y a des choses un petit peu plus personnelles, intimes, soul jazz. Voilà, elle navigue dans ce répertoire-là et c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Bah, bon, d'accord, c'est tout pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc du coup, je vous invite à bien faire attention à l'habillage en thème. Oui, maintenant, quand vous écouterez les jingles d'Indestar, vous vous direz... Oh, c'est... Alors, on a coupé, il n'y a pas forcément toute la morceau de guitare hein, dans la signature d'Indestar, on a coupé à moitié. Mais en tout cas, vous entendrez, vous direz, vous pouvez sortir vos copains. Tu sais que c'est Alec Johnson. Que c'est Alec Johnson, exactement. Je t'écoute sur Indestar. Mais est-ce qu'elle le sait? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais non, elle ne le sait pas. Non, on n'a pas pris contact avec elle, mais on pourrait, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend? Ça pourrait lui faire plaisir. En vrai. On est ouvert dans Peck Avenger, elle peut venir sur Indestar. Elle peut venir, oui. Ouais, cher Alex. Je suis pas sûr qu'elle va faire le trajet Canada Amboise, rien que pour nous, mais bon. Non, mais nous, oui, nous on peut aller jusqu'au Canada. On peut y aller, ouais. Et faire une spéciale Canada. Ouais, ça pourrait être. Ouais, non. budget, il va pas suivre. Ça va être compliqué, ouais. Moi, je propose, hein, je sais pas où vous en êtes. Donc au niveau budget, on est juste là en ce moment. Bon, bah, tant pis alors. Niveau zéro. Et bah, c'est pas loin en dessous. Non. Par contre, on a peut-être pas de budget, mais on a de la bonne musique. Mais on a des idées. Excellent. Non, on a de la musique, c'est déjà pas mal. Let's Groove the Magic Bass. Ouais, bah ça tombe bien, je voulais pas le dire. C'est un bootleg. Ouais, de Dim. Chaque jeudi, jusqu'à 23h, PK Avenger sur Indestar. Oh, live. C'est quoi ça? Ouais, bah, chanter la musique, c'est quoi? On chante un peu sur Indestar de temps en temps. Oui, je parlais de Let's Groove de Earth, Wind & Fire, fin des années 70, qui est la base musicale de ce bootleg qu'on vient d'écouter. Mm. Là, t'es dit, il fait. C'est exactement ça que j'ai chanté. Oui, oui, oui. Je parle pas l'anglais, mais je le chante. Ouais, ouais, ouais, exactement. Voilà. Clément. Oui, sauve-moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça, l'appel à l'aide de. T'as pas de transition? Oui, alors, pour transition, moi, je vais parler d'un jeu, ou plutôt d'une fiction. Attends, comment j'ai mis ça? Une fiction interactive, voilà, c'est ça. Ça s'appelle The Stanley Parable. C'est un jeu, je vais appeler ça un jeu par abus de langage pour être plus rapide parce que sinon ça va être chiant. Il est sorti en 2013 à partir d'un mode de Half-Life 2. Donc en gros ils ont pris le jeu Half-Life 2 et ils ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient avec. Et en sortie de chaîne on a ça, The Stanley Parable, qui est une curiosité vidéoludique. Ils ont pas eu de problème avec Half-Life ? Je pense qu'ils ont payé des droits techniquement. Ah, parce que le jeu est sorti sur Steam techniquement. Donc quand tu sors sur Steam techniquement. Voilà. Techniquement on peut le dire, ouais. Donc c'est un jeu où on raconte l'histoire de Stanley. Donc je vais reprendre un petit peu le premier dialogue, où on nous conte l'histoire. Et ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on entend dans le jeu. Donc Stanley travaillait pour une entreprise dans un grand bâtiment où il était l'employé numéro 427. Les ordres lui arrivaient par un écran sur son bureau qui lui disait sur quel bouton appuyer, combien de temps et dans quel ordre. Et Stanley était heureux. Mais un jour, quelque chose de singulier arriva. Quelque chose qui le changerait pour toujours. Tu appuies sur quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Il était assis à son bureau depuis une heure lorsqu'il réalisa qu'aucun ordre n'était arrivé sur l'écran. Voilà le début de The Stanley Parable. Donc on a donc cet employé qui s'appelle Stanley qui est censé appuyer sur des boutons. Donc ses commandes lui sont données à travers un ordinateur. Ouais. Mais là, rien ne se passe, aucune commande. On se lève du bureau, on sort du bureau et on s'aperçoit qu'il n'y a absolument personne. Donc c'est une grande entreprise, il y a des ordinateurs, des postes, des bureaux, mais tout est vide. Et on a pendant tout le jeu un narrateur qui va nous raconter notre histoire en tant que Stanley à chaque fois qu'on va faire une action. Mmh. Et tu veux dire que c'est la première fois qu'il prend des initiatives quoi, finalement. C'est ça, absolument. Parce que Stanley, son boulot, c'est techniquement de suivre au mot près tout ce qu'on lui dit de faire. C'est quand même bizarre comme métier d'appuyer sur des boutons. Absolument. C'est génial. Ah bon? Non, très passionnant en vrai. C'est un petit peu l'usine, si tu veux. Ouais. Techniquement, c'est ça. Ouais. Et donc Stanley donc, sort de son bureau. Il y a le narrateur qui nous raconte l'histoire. Quand vous marchez dans un couloir, le narrateur dit « Là, Stanley se dirigea vers la salle de repos. » Et ainsi de suite. Et on arrive à un moment du jeu à un croisement entre deux portes. Voilà, ça a l'air tout con comme ça. Oui. Mais le narrateur nous dit Stanley entra à la porte dans la porte de droite. Sauf qu'on a le choix en tant que joueur d'aller à droite ou à gauche. Ah, c'est bâtard. Et en fait, si on va à gauche, le narrateur va être obligé de rattraper l'histoire. En fait, on a l'impression en jouant à ce jeu que le narrateur est en train de la construire au fur et à mesure qu'on joue. Ouais. C'est-à-dire que si on va dans la gauche, le narrateur va essayer de créer un endroit pour nous faire retourner sur les bons rails. Ouais. Sauf que si on veut vraiment se barrer, on peut. Et le narrateur est obligé de combler. D'accord. Et c'est un côté jouissif, je trouve, de contrer le narrateur. Absolument. Ceux qui ont l'esprit de contradiction. Non, mais en vrai, moi je fais ça. Je tourne à droite. Ah bah oui, on peut prendre à gauche. Bah allez, allons mais à gauche. Dans tous les jeux, tu fais ça d'abord. Ouais, c'est ça. Quand tu dis que tu vas aller tout droit, bah non, il y a une petite ruelle là. Je vais dans la petite ruelle. C'est tu crois quoi? Mais c'est tout l'intérêt de ce jeu en fait. Parce qu'il y a une grande histoire, une trame principale qui arrive si tu suis ce que le narrateur dit. Ouais. Mais t'es vraiment pas obligé de faire ça. Et le narrateur se met en colère et il t'engueule en tant que joueur. Ah cool. Ça c'est vraiment très très chouette. C'est une curiosité pour ça. Parce qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Il y a à peu près 7 fins différentes disponibles. Mm-hmm. Donc chacune raconte une histoire. Alors je vais pas spoiler outre mesure, mais dans les grandes lignes il y en a une où on va voir le making of du jeu. C'est celle que t'as faite du coup ou... Je l'ai toute faite à peu près. D'accord. Ouais. Il y en a une où on peut rester coincé dans un placard à balais pendant toute l'aventure. Et... C'est chouette. Et le narrateur est obligé de meubler. D'accord. Il dit Stanley décida de rester dans le placard à balai toute sa vie. Et ainsi de suite. Et il essaye de trouver des raisons, des choses comme ça. Du coup, au bout de 150 heures de jeu, tu te fais un peu chier, quoi. Non, tu restes pas 150 heures non plus. Non, mais justement, c'est ça que je trouve fort en fait avec ce jeu là. La manière dont t'en parles, ouais. C'est que du coup. Toute éventualité a été à combler, quoi. Alors pas toute éventualité parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Bah, c'est pour ça que ça m'impressionne en fait. Mais il y a vraiment des choses très sympathiques dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a une fin qui est complètement buggée en fait. À savoir que c'est un bug qui est prévu par le jeu. Ah ouais. Donc le narrateur dit par exemple, et là Stanley arrive dans une salle avec une porte. Sauf qu'il y a pas de porte. Donc le narrateur il est emmerdé, il se dit ah mais bon attends, on va recommencer depuis le début et recommence comme ça 2-3 fois jusqu'à ce que ça marche et, ouais. Et voilà. Ah ok. Donc c'est vraiment un jeu sur le jeu. Voilà, je sais pas trop comment l'interpréter ouais. Effectivement. Mmh. Oh, ça a l'air vachement cool. C'est très sympa à jouer. Je dirais même, tu peux le faire même à plusieurs. Vous êtes là, genre, peut-être lors d'une soirée. Je sais pas combien de temps il met de temps à finir ou à jouer. Oh, tout dépend. Hein. Parce que t'as vraiment des fins qui prennent du temps pour le coup. D'accord. À mon avis, le coup du placard à balai, tu peux y rester un long moment. Oui. Je pense que ça peut être un bon délire entre potes en vrai. Compter jusqu'à 870. Mais en général, les jeux à choix comme ça, c'est génial. T'en mets un avec la console et puis tu regardes un petit peu en fonction de ce que lui il fait. Et du coup, tu l'engueules si lui il a fait un choix de merde et que. C'est ça. Et puis t'as une fin qui est un peu alternative et qui spoil en fait pour le joueur qui n'a pas vu la fin principale. Ouais. Et le narrateur est bien démerdé, il dit ah non j'avais prévu tout un truc, voilà ça tombe à l'eau, je suis dégoûté machin. Est-ce que la voix du narrateur est originale ou ça pourrait être n'importe qui? Ah c'est une voix qui a quand même du coffre. Alors le jeu est que en anglais. Pour la voix du moins. Ouais. Après il y a les sous-titres en français bien sûr. Mm-hmm. Mais la voix ouais c'est une voix comme un. Pas un pépé tu vois, mais quelqu'un de 50 ans qui a une voix qui passe bien à la radio tiens. D'accord. Ah. tu sais qui c'est qui l'a fait? Non, je sais plus qui fait la voix. Je sais que c'est le jeu question. C'est Davy Vreden et William Plouf qui l'ont fait. Plouf. Plouf. P-U-G-H. Ah. Et voilà. Donc je voulais partager ça. Il est disponible sur Steam. Le nom du jeu, pardon. Stanley Parable. Il est disponible sur Steam. Sur tu dis, Steam, sans doute sur PlayStation. Est-ce que c'est un jeu TPS? C'est un FPS. Ah, c'est dommage parce que avec Parable, ça aurait pu coller. Ah oui. Encore cette blague. Oui, mais là, il y avait matière là. C'est pas faux. Donc on va l'histoire à travers Stanley, qui va vivre plein d'aventures. Kevin Brighting, la voix de l'acteur. D'accord. Je sais pas du tout qui c'est. Merci. Et voilà. Il a fait la voix du jeu. Voilà. Eh bah, ben écoute, tu sais quoi? Moi, tu m'as donné envie de l'acheter réellement. Ah cool. Genre, oui. Il a l'air vraiment super intéressant. Il doit coûter à peu près 20 euros de mémoire. Ça va. En plus, c'est pas super cher comparé au jeu actuel. Ouais, bon, c'est pas ça. Après, c'est un petit jeu. Hein. C'est pas un jeu que. Oui, c'est pas un triple A. Tu vas passer des heures. Et donc le moteur graphique et tout ça, en fait, c'est extrait de Half-Life. C'est ça. Absolument. Un bureau avec des portes. Ouais. Et un placard. Et bah c'est trop bien. C'est vrai que ça va, en fait. Déjà. Ça va. C'est pas trop dur. Je me suis permis, j'ai regardé vite fait du coup sur IMDb. Ouais. Le mec qui a fait la voix, il a fait beaucoup, à mon avis, beaucoup de jeux comme ça. Ah oui. Ouais, ça a l'air. Alors il est parti sur du Portal 2 à un moment donné. Ah, d'accord. Ouais. Mais il a fait c'est quoi un jeu qui s'appelle Procrastination. Enfin, c'est un Nathan procrastiné, quoi. D'accord. Et après... du coup, à mon avis, ça doit être un mec qui doit être habitué à ce genre de truc. Ouais, j'en ai parlé lors d'une une émission de PK Avenger, je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est vrai que les doubleurs, qu'ils soient les doubleurs anglais ou les doubleurs même BF, c'est souvent les mêmes, en fait. On s'en rend pas compte parce qu'ils peuvent faire plusieurs voix, mais le cercle des doubleurs est assez limité. Ah, c'est un milieu très restreint. Ouais. Mais après, c'est parce qu'en même temps, si tu veux, dans ceux qui sont dans ce cercle restreint-là, c'est des bons. Ah bah oui, parce effectivement. Ouais, ils sont habitués de l'exercice aussi. Donc c'est plus ça. Facile en fait. Quand t'es concepteur de jeux vidéo, si t'as quelqu'un qui connaît le métier, tu lui dis, enfin, tu lui donnes tu les grandes lignes. Tu me fais voir un peu comme ça, puis, un peu comme ouais, si, c'est voilà. Parti, ouais. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on me demande. Hein, tu sais, mais même les mecs qui font des publicités. Hein. Ouais, bah oui, non, il rentre dans un booth, il y a 11 personnes qui les regardent et qui lui disent ta voix, ouais, bien, mais un peu plus comme ça. Et du coup, la personne doit le faire. Mm. C'est tout un truc d'acting, ça. Bah, c'est vrai. tu connais quelque chose du coup. J'ai jamais prêté ma voix à quoi que ce soit. C'est vrai. Ah quoi que, si, mais si c'était, oui, c'était avec Axel Clément. Je crois, ah oui. Ça, oui. On avait fait un projet comme ça. C'était pour des gens qui avaient fait un tout petit court métrage d'animation. Ouais. Et j'ai jamais encore vu le produit fini parce que bah, du coup ça met du temps à faire. Oui, forcément. Mais ils avaient demandé quelqu'un pour faire la voix, le narrateur. Et ouais, ça c'était. Mais c'est un exercice amusant. Mais tu vois, je l'ai fait ça une fois. C'était en amateur, donc. C'est non justement et c'est quand tu te mets du coup face à ton texte tout seul et qu'on te dit ta voix c'est bien mais est-ce que tu peux nous la faire un peu plus triste, bah là en fait tu te rends compte que du coup c'est tout un métier, c'est un et travail, c'est pas... et c'est là que c'est chouette et du coup tous ces gens qui ont la technique c'est formidable, c'est bon à entendre quoi. Bah du coup vous avez quand même prêté votre voix à une des stars. Ah bah oui. Au PK Avenger, vu que vous êtes venu, vous avez vu, vous avez vaincu. Ouais. Voilà, j'avais envie de le dire. C'est presque une fin alternative de PK Avenger vu que du coup cette fois-ci on finit plus ou moins à l'heure. C'est vrai, hein, c'est vrai, pour le coup 23h05. Si vous êtes habitué, normalement on finit pas à ce temps. C'est trop bizarre de dire ça. Mais si tu veux on peut meubler nous, hein, y a pas de. Mais bien sûr. Clément, fais-nous ta voix off. Alors du coup j'étais dans le bar et tout d'un coup un mec, je sais pas où je vais avec ce sac d'aider. En plus, on l'écoute, nous. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le bar à un moment donné? Eh ben, ça, on le saura. Non, j'ai vu de la lumière. Non, la semaine prochaine, évidemment. Ah, non, peut-être pas. Putain, fais chier, faut que je fasse un truc avec un bar maintenant. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer dans J'ai vu de la lumière? Oh, bah plein de choses. Je vais essayer de faire un nouveau format, c'est-à-dire de faire toujours des petites impros, mais dans le même univers avec les mêmes personnages, en gros. Ça, c'est pour la DDR. Tout à fait. JVL, oui. J'ai vu de la lumière le mardi de 21h23h. C'est bon, ouais, yes. Disponible sur Spotify et Tunis Deezer, tout ça. J'en profite aussi pour vous dire que demain, il y aura Vita Conso, une émission... Oui, avec Linda. Exactement, Linda, oui. On aura des invités aussi, on va parler de... C'est un peu différent, on va pas parler de consommation cette fois-ci, on va parler plus de social, politique, tout ce qui est homophobie, tout ce qui est sexisme, ce genre de trucs. Des sujets un peu lourds quand même, mais on va essayer de les aborder d'une façon un peu légère, enfin j'espère. On verra bien. Vite on débat. Je sais qu'il y aura Amélie et Anaïs en invité de Actu Solite. Ouais. Et l'équipe habituelle. Et l'équipe habituelle, ok. Normal. Très bien. Voilà. Et donc ça sera de 20h30 à 22h, tous les vendredis. Voilà. Lundi, on va se retrouver avec Starter. Aussi, nous. C'est la semaine. Bah, avec, ouais. Et là, pour la dernière, parce que ça sera la dernière semaine aussi de la saison, la semaine prochaine, on fera le tour des petites anecdotes qu'on a pu avoir en voiture ou en moto, hein, selon les cas, les expériences de chacun. Ça une moto ? Non, bah alors les mobilettes d'Antoine, voilà. Ah oui, Antoine. Les expériences qu'on a pu avoir, ouais, c'est des choses drôles, des choses peut-être un petit peu moins drôles, mais des choses originales en tout cas. Oui. Voilà. Et moi, en vélo, ça marche ou pas ? En vélo, non, faut que ça soit motorisé, c'est le principe du starter. Tu reviendras dans starter dans quelques années. Quand on aura le permis. Passe la SSR d'abord. C'est vrai. Après, ça sera suivi d'Actu Solide de 21h à 23h le lundi. On va. On fait un peu une spéciale On parle radio. Ouais, on parle Indesta, on parle radio. Ça va être centré sur Indesta. Ouais. Et on va beaucoup chanter. On va essayer de reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait en chant cette année. Oui, c'est vrai. Et ça va être comme d'habitude un massacre, mais ce sera un massacre mash-up. Horrible. Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, toujours. Je vous invite presque à pas écouter. Attends. C'est quoi tout ça là ? Vous avez fait plein de chansons ? Oui. Tous les lundis, on faisait une chanson dans Actu Solite, alors quasiment tous les lundis. D'accord. Une chanson qu'on inventait les paroles et on prenait des musiques soit libres de droit, soit des musiques. Des reprises quoi. Ouais, des reprises. Voilà. Et je peux t'avouer que ça a donné des trucs, genre cette semaine, on a fait une musique sur les maths. Oui! Avec la musique de Koulou Koukou, le Koukou, Stache Tache. Oh là là, voilà. C'est vachement osé quand même. C'est vachement osé. Ah, mais c'est osé, on ose hein, dans Actu Solite. On n'a pas peur du ridicule, on n'a pas de limite. Voilà. Après, le mardi, j'ai vu de la lumière, évidemment, ça on l'a déjà dit. Et j'avais le tour de la semaine. Hein. Non, mais j'ai dit aussi. Les Bratislava Boys, déjà de base, si tu veux, les paroles. Oui. Ouais, il n'y a pas trop. Et ben là, il y avait plus de paroles. Là, nous, il y avait plus de paroles que dans la version de base. On a mis des paroles. D'accord. La semaine prochaine, la dernière des PK Avengers, la fin de saison. Et il y a un thème. Ouais. Alors, on l'a appelé la spéciale nulle, mais du coup, beaucoup de gens confondent avec les nuls. Les nuls, voilà. De la Cité de la Peur et tout ça. On va plutôt l'appeler la spéciale ratée. Donc, ah, c'est pas mal ça. Le concept en gros, c'est on va présenter chacun quelque chose comme d'habitude, mais quelque chose. C'est bafouille ou. Non, qu'on n'a pas forcément aimé ou que ça fait un flop total. Mauvais quoi. Voilà, genre un petit nanar de film ou un jeu. Pff, qui a fait un bide total. D'accord. Ce genre de truc. Ça va pas être très très compliqué du coup. Ah bah oui, effectivement. Il va y avoir un film de Kev Adams. On va retrouver Ami Public la semaine prochaine. Sans déconner, il y a Clément qui était en train de me le mimer en mode il y aura Kev Adams. L'autre il me la sort. Ah, je suis désolé, là tu t'es pris un combo dans la tête. Non, c'est pas grave, je commence à être habitué. Des bisous, Mathis. On verra bien la semaine prochaine parce que c'est que la semaine prochaine. En attendant, on se quitte avec Jess Moscalouké. Moscalouké. Non, non, Moscalouké. C'est Jess Moscalouké. Moscalouké, ça se dit. Moi, je dis Moscalouké depuis le début. Hein. Bah, ouais. Je sais. Franchement, dites-nous comment ça sonne mieux si c'est Jess Moscalouké. Non, mais non, non, mais c'est si tu veux Jess Moscalouké, dis que elle s'appelle Jess Moscalouké. Tu vois. Ah, c'est pas grave. Pour, on a décidé de l'appeler comme ça. Théo, pour la saison prochaine, il faudra l'alphabet phonétique. Ouais. À côté. Je vais mettre tous les noms en phonétique ouais, pour carrément. Comprennent mieux. Les gens qui verront le titrage disent ah, mais pourquoi ça ouais, c'est parce que les animateurs sont teubés, c'est pour ça. Il y a des noms quand même, on va pas se leurrer, c'est un peu difficile à prononcer. Ah, bah, comme tous les noms en fait. Hein. Ouais, non. C'est, pas. Si. Erkan, c'est facile. Non, ouais, non, mais, ouais non, t'arrives mais, à dire addiction quand même. Oui. Moi je veux dire, j'ai une petite pensée pour tous les profs à un moment donné quand il faut faire l'appel. Ah ouais, parce qu'il y a des ratés, hein. Ouais. Là pour le coup, et des sévères. Ça, je veux bien le croire. Bah, du coup, on fait des bisous à tous les profs, à c'est tous tes collègues. Au début de l'année, quand ils commencent à dire les noms, tu sens que des fois ils hésitent. Non, mais tu sais que justement, c'est pour ça, c'est génial. Maintenant, ils font plus ça. Maintenant, il y a Pronote. Et du coup, il suffit juste de compter ceux qui sont là. Et tu fais OK, hein, j'en ai autant. OK, super. Ah, tu fais au chiffre en fait par paquet. Ah, tu alors, fais pas le moi, nom. Non, comme ça moi, non, non. Mais qui suis-je ça se fait en fait quelque part en France. D'accord. Ah, non, mais oui. On se quitte avec le titre Take Me Home. Oui. C'est bizarre ça. De Jess Moscalouké. Wow. Voilà, je l'ai bien dit. C'est bien. Ouais, joli. Vous êtes fiers de moi. Eh ben, on vous fait des bisous. Des bisous. À bonsoir, à bientôt. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.